Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Gabriel Béhoud nous fera dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, non, écoutez la lutte. Et on flambera notre argent au lieu de payer nos comptes dans 5 ans, ça ne devrait pas là. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 30 novembre 2016, 148 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de 6 fois à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? On est calme aujourd'hui, il fait doux. Oui, c'est... Ça se prend bien. Ouais, ça se prend bien. Pas de refus. Non, exact. Je sais pas si t'as vu sur Facebook, j'ai croisé une veste dans un arbre. Oui, j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi. L'arbre avait froid. Oui, ben en fait, c'est un arbre qui est après une clôture, en fait, deux clôtures de chaque bord. Donc, quand même assez éloigné de la rue. Donc, quelqu'un a lancé sa veste dans un arbre ou s'est fait jouer un tour. Pourquoi les gens font ça? Je me le demande. C'est comme les souliers après les... Oui, les, cordons, ça, tu sais qu'aux États-Unis, ça détermine, en fait... Les gangs. Les gangs de rue. Ouais. Les quartiers des gangs de rue, selon la couleur des souliers. Oh, ça, je savais pas ça. Oui, puis à Montréal aussi. OK. Sauf qu'ici, à Trois-Rivières, je pense que c'est juste des petits gars qui s'amusent à pitcher des souliers. Pour être comme les autres. C'est ça. Ouais. Bref. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées, en ce mercredi matin, on n'a pas, malheureusement, on va commencer par ce qu'on n'a pas, pour après ça passer aux bonnes nouvelles, on n'a pas Sébastien Guertin. C'est la première fois qu'il rate sa chronique depuis un maudit bout. Oui! Je me rappelle même pas qu'il ait raté sa chronique de l'histoire jusqu'à maintenant. Quelle tristesse! Triste. Donc, on n'aura pas en début d'émission. Par contre, on a Gabriel Béhoud qui est de retour. Lui était pas là la semaine passée pour la chronique dans les coulisses de la lutte. On va parler du match qui avait lieu lundi et peut-être même revenir sur le match de la semaine précédente où j'étais pas présent. Et Gabriel Béhoud n'était pas à la chronique. Donc peut-être qu'on va avoir l'occasion de parler de ces deux matchs-là. Et aussi de parler du match spécial qui s'en vient jeudi de la semaine prochaine. Ouh. Ensuite de ça, à 9h, on va recevoir encore une fois Andréane Cartier. Vous vous rappelez d'elle, on l'avait reçue il y a quelques semaines, quelques mois, pour parler d'art visuel. Elle est de retour pour parler de l'exposition Bénéfice Utopie-Dystopie. On s'en vient à 9h. Ta chronique s'en vient plus tard aussi. Tania Galantutania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, comme il n'y a plus d'émission en piste avec Tania Baudin, la saison est terminée. J'ai décidé quand même de vous faire un segment qui ressemblerait à En piste avec Tania Baudin. On va parler de voiture aujourd'hui. Génial! Mais on va débuter avec du sexisme, mais ça ne devrait pas, on l'a. C'est rare le mercredi qu'on a le temps de faire ça depuis quelques temps, donc on va faire ça dans quelques instants. Mais avant ça, une pièce du palmarès anglophone. En moins? De ces fous. En moins? On aime tellement dire cette phrase-là. C'est pas ça qu'on va entendre. Mais non, ça c'est dans le palmarès francophone. Absolument. Non, ça va entendre une pièce de The Darcy's. Voici San Diego 1988. Tout de suite à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. 89. It's only San Diego 1988. And we could go all the way down to Mexico. And we could drive the night through, follow the interstate. There's no reason to wait, no reason to wait. I know it's the middle of the night. I know that the timing isn't right, but I'm waiting at the end of your driveway, the end of your driveway, so we can get away. 1988 de Darcy's ou Darcy's, on sait pas trop encore. Exactement. On essaie de trouver. La confusion sur les deux, ouais. Deux depuis hier au palmarès. Bref, maintenant, tiens, 19,88 ou 1988, je sais pas lequel je choisirais. Je pense que je prendrais 19,88. Ouais, avec shipping gratuit. Là. C'est ça, exactement. Black Friday. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. J'ai fait quelques achats du Black Friday, des trucs vraiment niaiseux, pas trop chers. J'espère que vous n'avez pas fait les fous avec les spéciaux. Et j'espère. Cyber Monday. Moi, j'ai surtout fait... Ça peut monter assez rapidement. Oui, plus. Absolument. Je les ai pris sur le Cyber Monday. J'aime les shippings gratuits. C'est ça que j'aime le plus. Mm-hmm. Je dirais. Même s'il n'y a pas de rabais sur le produit, si au moins il y a un shipping gratuit, tu économises quand même de l'argent. Bref. T'as bien raison. On commence avec... si quelqu'un est mort récemment dans ta vie... Ouais. C'est triste un peu, probablement mes condoléances, sympathies et autres. Ouais. Mais tu pourrais peut-être les transformer en vaisselle. Ah! Ouais, avec de la vaisselle composée de cendres de vos êtres chers. C'est un service personnalisé, donc de poterie, hein, en cendres. On ouais. peut choisir n'importe quoi, des bols, des tasses, et c'est glacé, tu sais, un petit peu comme un glaçage sur une dinde, là. Glacé des cendres de votre être cher, $199 américains. Ils font des pots pour les fleurs, un paquet de choses comme ça. C'est quand même joli. Ah oui. Oui, ils sont à l'extérieur du pot, pas dedans. Là. Ben oui, exactement. Ouais. Il aurait pu avoir un petit compartiment en bas avec des cendres dans les vrais cendres. Quand tu te brasses, ça shake comme un maracas. Ensuite, on reste dans les tasses, tiens. Avec une tasse qui va au micro-ondes, là, tu vas me dire, ouais, mais attends un peu, toutes mes tasses vont au micro-ondes, je suis pas capable quand même. Hein? Exactement. C'est ça. Mais ici, c'est une tasse pour faire des petits mug cakes avec okay. un couvercle. Vraiment bien. Donc, vous allez pouvoir réchauffer vos boissons et vos soupes sans risquer, premièrement, de vous brûler et sans risquer qu'il y ait des renversements avec des tasses au micro-ondes avec une construction à double paroi. C'est sûr que l'extérieur reste toujours froid et ça vient avec un couvercle à l'épreuve des éclaboussures et avec une petite fente là, ou un trou, peu importe, pour laisser s'échapper la vapeur pour pouvoir faire, entre autres, des mug cases et c'est super facile à laver. En plus, elles sont tout à fait jolies. C'est vrai. J'trouve. T'as bien 12$ raison. Sur Amazon pour un emballage de 2. Disponible en orange, c'est tout ce que je vois. Il y a aussi le bol et le plat, les deux tasses et une assiette pour aller au micro-ondes. Tout ça en plastique. Cool touch. Est-ce que c'est écrit, c'est fait en quoi? Non, je vois pas. Peut-être du genre de silicone ou quelque chose comme ça. Ensuite, probablement. En tout cas, le couvercle a l'air d'être comme ça. Ouais, exact. Ensuite... tantôt, on a personnalisé nos tasses avec les cendres de nos êtres ouais. chers. Ici, on va prendre plutôt le contraire, les enfants. Tu sais, le contraire. Ah, les cendres de nos enfants? Non. OK. Je voulais juste dire en termes d'âge. J'avoue que je me suis très mal exprimé. Ouh. On passe de l'extrême à l'autre. Quelqu'un qui meurt, c'est vieux. Quelqu'un qui est très, très jeune, qui fait des dessins. Par oui. exemple, des dessins de, je sais pas, ses parents, petits frères, petites sœurs, peu importe. Tu sais, des dessins genre bonhomme allumette. Oui. Et on va les transformer en collier. Ah, oh, c'est une bonne idée. Ouais, hein? Donc changer, transformer les créations de vos petits Picasso, comme on dirait au quiz de Patrice Écuyer. Petit Picasso, c'est quoi? Oui. Ouais. C'est quoi son quiz, là, qui joue dans ce moment? Ben, il y en a 142, tu sais. Ouais, il y a juste ça qui fait Patrice Écuyer. Ce soir, on joue. Ce soir, on joue, ouais. Ouais. Les petits Picasso, où les gens doivent deviner les dessins des enfants représentent qui. Bref. C'est la même chose, le même principe, personnaliser le chef-d'œuvre que vous soumettez par Internet et transformé en pendentif doré ou argenté pour pouvoir garder ça sur vous en tout temps et que les gens vous demandent « Mais qu'est-ce que ça? Mm-hmm. Ben, c'est un dessin de mes enfants? Ah, wow, cool! » Ah, wow, cool! Ensuite, on parle de, je dirais presque un drone, pas mal, c'est le Air Selfie qui prend des selfies mais en volant dans les airs. Oh, d'accord. Le selfie, tu le sais, c'est là pour rester. Hein? Ça fait quand même assez longtemps que c'est là. Apparemment. Je vois pas... Premièrement, ça a jamais vraiment... c'est pas nouveau, le selfie. Bon, non. C'est nouveau qu'on appelle ça un selfie, mais en tant que tel, prendre une photo de soi-même avec un appareil photo, c'est pas nouveau. Là. Non. Donc, je vois pas pourquoi ça partirait. C'est pas c'est de juste dans le temps, sur les appareils photo, il y avait un compteur dessus. Ouais, c'est ça. Fait que tu le mettais un peu plus loin. Ou encore, si tu ne voyais pas toi-même prendre ta photo, tu n'avais pas d'écran pour te juger, tu pouvais juste prendre la photo. Oh le... mon Dieu! Les appareils photo que tu pouvais juste. Oh, ben oui. Oui. Ben en oui. tout cas, bref. Vous avez ça, c'est dans le temps que j'étais IMO. Et votre. Oh, ouais! Oui. Daniel IMO! Ouais, j'ai fait ça une fois dans ma vie. C'est le sens de ma vie. Bref, laissez tomber les selfie sticks et passez au niveau supérieur avec le Air Selfie. C'est donc un drone qui est fait pour prendre des selfies, oui, assez petit pour entrer à l'intérieur d'un étui de téléphone cellulaire. Évidemment, un étui est quand même assez gros, là. Donc, quand vous en avez envie, vous glissez ça à l'extérieur de votre étui et vous le laissez voler jusqu'à 20 mètres ou 66 pieds de distance, où une caméra à 5 mégapixels va prendre une photo de vous et mettre ça dans sa mémoire interne de 4 gigaoctets. C'est capable d'enregistrer de la vidéo en qualité HD. Il y a 3 modes de vol. Le plus simple est le selfie mode, donc il va se stationner à une certaine distance et prendre une photo. Les autres modes sont pas expliqués dans le texte, OK? Bref, non, pas besoin d'explication. J'imagine que l'autre, vous le contrôlez, puis ça prend des vidéos à distance, j'imagine, quelque chose comme ça. Bref, l'étui vient avec sa propre batterie, donc vous allez pouvoir charger le drone pendant qu'il n'est pas en utilisation. Et ça donne 3 minutes de vol, vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même tout petit. C'est compatible à iOS, Android et tout ça. Et il y a aussi une banque de courant, une power bank disponible pour charger le drone jusqu'à 20 fois. Et il y a aussi un port micro USB pour pouvoir le recharger. C'est présentement en train de ramasser de l'argent en sociofinancement. 189 $ américains pour promettre votre propre drone avec l'étui et le câble micro USB. Ça devrait être envoyé en mars 2017. C'est vraiment pas mon genre de choses, mais quand même. Quand même. Mieux qu'un selfie stick. Oui. Ouais. Ensuite, c'est un bol pour animaux de compagnie qui vous dit exactement comment de nourriture donner à votre animal. Tu sais, des fois, on se dit, bon, je vais lui donner une montagne, puis ouais. Moi, c'est ce que je fais avec ma chatte. Ah ouais? Je donne une montagne, ça dure 2-3 jours, après ça, je le rechange. Bah, peut-être pas 2-3 jours. Pour vrai? Une journée ou deux. Bah, tu sais, pas de montagne, genre, c'est pas un énorme bol, c'est un bol de chat normal, mais j'en mets jam pack. Ok, puis t'as nourri juste une fois par jour, maintenant. Non, je nourris jusqu'à temps qu'elle vienne me dire, hey, c'est parce que mon bol est vide. Ok, fait qu'elle mange constamment. Non, elle mange, elle se dose elle-même. Ok. Mais ça, c'est assez fort pour ça, se doser. Les chiens. Ouais, les chiens. T'as beau dire qu'ils sont plus intelligents. Les chiens, si tu leur mets une grosse montagne, ils vont manger la montagne puis ils vont souffrir après. Ben oui, c'est comme être au régime, là. C'est toi qui. Ben oui, mais le chien est capable de se doser. Je gagne, Tan. Non, je pense pas. Les chats ne gagnent jamais dans mon cœur. Allez, votez par message texte au 6-2-2. Oui, exactement. Non. Chat ou chien. Le smart... Tapage d'assemblage Reiki. Faites pas ça. On n'est pas ce genre-là. Le Smart Bowl de la compagnie PetNet permet aux amateurs d'animaux de compagnie d'ajuster la nutrition de leur animal basée sur leur marque, hein, leur sorte, leur espèce, l'âge et leur niveau d'activité. Ça va avec une application, évidemment, sur iOS et Android, où les parents peuvent créer leur profil avec leur âge, le poids, le niveau d'activité. Et puis le bol va ensuite leur dire s'ils ont versé la quantité exacte, parfaite de nourriture basée sur l'information donnée. Vous allez recevoir des notifications du Smart Bowl via l'application, dont les heures que vous devriez les nourrir, confirmation qu'ils ont mangé, la quantité de nourriture qui vous reste et la durée de vie de la pile. Du bol. Le bol tient jusqu'à 30 onces ou 3,75 tasses de nourriture sèche ou humide et ça va automatiquement vous envoyer plus de nourriture chez vous à votre porte quand vous en avez besoin. C'est quand même bien un service de livraison de nourriture pour chat. Ça aide pas mal. Vous pouvez acheter le PetNet Smart Bowl sur Amazon pour $50 US. Ils ont aussi un code pour le Black Friday, allez voir sur le site. Non, le rabais vient de se terminer, donc oubliez ça. Quand même, un bol intelligent. On est rendu là. Il est beau, par contre. Un petit bol en genre de l'acier inoxydable, c'est quand même assez classique, mais très joli. Mm-hmm. Ensuite, on parle du SandScript. Qu'est-ce que c'est, le SandScript? C'est une affaire qui va sur votre bureau et qui fait des... tu sais, les trucs dans le sable, là, des fois, on a ça, des petits parcs à sable avec un balai, un râteau, tu sais, pour devenir zen. Ouais, c'est ça. Ça a l'air, ça te rend zen. Hey, moi, je capoterais, là. Il y aurait tellement tout le temps trop de sable autour du petit pot. J'avoue. T'en aurais tout le temps, les bobettes. Rose Cam le sort dans le vagin, là, matin. Hey, wow, le langage. Ben, c'est Marianne Mazza qui dit ça. Ah, t'as raison. Et c'est un terme médical. Pas vrai? Vagin? Ah! J'ai là, mais quel genre de terme médical? Ben, quel genre de médecin utilise ça? T'es sûr que le mot, c'était nous? Non, okay. Donc... Non. Je parlais de l'expression, moi, Mathieu. OK. Je citais encore Marianne Mazza. J'imagine qu'elle a déjà dit ça dans sa vie personnelle. Donc... ce n'est pas un problème si vous n'avez pas de petit jardin zen de sable. Avec le nouveau SandScript, c'est donc un jardin zen automatisé qu'on peut laisser faire des patterns dedans tout seul. On peut l'ajuster aussi en utilisant 3 boutons sur le côté. On n'a pas besoin de râteau, on n'a pas besoin de rien du tout. Ça a l'air magique, mais c'est que la boule, la petite bille d'acier inoxydable, roule toute seule dans le sable et fait des mandalas. Fait mandala. Que finalement, c'est pas toi qui la contrôle. Non, ça c'est automatisé. Mais tu sais, mandala, c'est comme des tatous. Comment ça transerne? À le regarder. Parce que je pense pas que ce soit l'acte de racler. C'est peut-être le mouvement du sable. psychologiquement qui t'aide. J'en ai aucune idée. Peut-être. I'm not a doctor. Donc, ça inclut deux différentes grandeurs de billes, dépendant de votre préférence. Pour faire de plus grandes lignes, de plus petites lignes de mandala, il faut aussi resetter tout ça en shakant la base. C'est pareil comme... Shake the bass, tu vas voir. C'est comme dans la musique, il y a... Shake that bass. Shake that bass. C'est quoi cette tune-là? Bref, ça ressemble à un Etch a Sketch. Quand tu brasses la basse. Je suis sûr qu'il y a une tune qui s'appelle de même. Shake that bass, sûrement. Les amoureux du bacon, je parle à tous les amoureux de bacon. Alerte au bacon. Le carnivore préféré de votre entourage va avoir l'eau à la bouche avec ce panier cadeau festin des amoureux du bacon. C'est un panier qui vient avec 3 sacs d'une livre de bacon à l'ail et au poivre concassé. Ensuite, ça vient avec du bacon à la cassonade, à l'érable. Non, c'est érable et bois de pommier fumé. Et t'as aussi du bacon au chipotle. Ah bon? Malade, hein? Mm-hmm. Bacon Lover's Feast Gift Basket pour 40$ US. Ensuite, c'est une, je dirais, une nappe organisationnelle pour voyager. Tu sais, quand c'est cool, ça. Oui, quand tu voyages, t'as besoin de plusieurs choses. Et des fois, bon, t'as une liste à cocher. Coche, mais t'oublies tout le temps quelque chose. Tu fais une petite liste, là, t'oublies d'écrire quelque chose. T'oublies d'écrire quelque chose sur ta liste, exactement. Ta nappe, donc, c'est comme un genre de tissu, comme un tissu qu'on utiliserait pour faire un casse-tête, quelque chose comme ça, ou peu importe. Et dedans, dessus, t'as des compartiments avec des lignes et du texte. Donc, article personnel, article à portée, boisson et alimentation, je sais pas, sécurité personnelle. Et toutes les cases, ben, tu peux mettre les affaires qui sont déterminées dedans parce qu'il y a à côté la liste ultime des choses à mettre. Bon, là, je vois pas la photo d'assez proche pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui est écrit dessus, mais mettons, je sais pas, il pourrait y avoir un pansement, boussole, n'importe quoi, dans chaque catégorie. Tout ça pour 75$, c'est une nappe de 5 par 7 pieds. Donc, une énorme nappe d'organisation. Évidemment, si vous êtes vraiment paresseux et que vous voulez pas avoir à vous en faire avec le placement dans la valise, vous pognez la nappe, faites un jeu dedans, puis mm-hmm. le mettez sur un bâton de bois, puis vous allez comme un vagabond. Hein? Exactement. Donc, 5 par 7 pieds en catégorie, tout ça pour 75$ US. Ensuite, ça, là, ça pourrait être une arme. Ouh. Je me demande si c'est légal dans certains états et provinces. En tout cas, c'est sûr que t'as pas le droit de passer aux douanes avec ça. Sûrement pas. Ça s'appelle, je me demande si c'est le Zero Corkscrew ou le O Corkscrew, dépendant de la place dans l'article. Mais bref, c'est un corkscrew comme dans genre pour ouvrir une bouteille de vin. Un ouvre-bouteille. Mais c'est aussi une bague. Et quand on parle d'une bague, on parle du genre de bague que j'aime bien, là, en acier inoxydable, super shiny, doré, avec les coins ronds. Je trouve ça magnifiquement beau. Et donc, c'est une bague comme ça. Et au bout de ça, t'as l'embout ouvre-bouteille. Ça s'explique tout seul. Hein? Oui. On tourne la bague, on tire comme une bague. Donc, c'est pas fait pour être porté en tout temps. Là. C'est fait pour être dans un tiroir. On s'entend. Sur ton porte-clés, ouais. tu le mets, tu tournes, tu le pognes en bague, tu le sors. Bref, c'est une marque suisse inspirée par le Japon. Voilà. Shibui. Donc, qui mélange le bronze et l'acier inoxydable sans effort pour créer une forme inambiguë. C'est un mot, ça? Oui! Ouais. Et c'est aussi super ergonomique, nous dit-on. Voilà, 65$. C'est pour les fancy, ça, US. Mais ouais, hein? Ensuite, Google Earth. Tu connais Google Earth? Oui. C'est beau, Google Earth? Ben oui. Tu peux aller voir des paysages que tu pourrais jamais te permettre. Exact. Des plages, peu importe. Et ça, ben ça te fait rêver un peu. Voilà, et bien maintenant, tu peux appliquer non seulement ton Google Earth sur ton téléphone, mais aussi sur ton étui à l'arrière de ton téléphone. C'est un étui protecteur pour le Google Pixel, le plus récent téléphone de Google. Okay. Et donc, sur le dos, tu as une photo de Google Earth d'une place sophistiquée comme une plage. Et à l'avant, tu mets un arrière-plan, un papier peint, un fond d'écran qui est la même chose, comme ça va ensemble. Okay. Ton étui et la photo de fond d'écran vont ensemble, genre. Oh, c'est cool, ça. C'est comme personnalisé. Donc, c'est une image satellite à l'arrière de l'endroit sur la planète et le fond d'écran qui l'accompagne vient avec et ça ajoute aussi un... il y a un bouton raccourci sur le dos qui peut être personnalisé pour ouvrir n'importe quelle application et ça va te transporter à l'endroit par défaut d'où vient l'image sur Google Maps. Tu comprends que tu payes sur l'étui en arrière et ça t'amène à la place sur Google Maps. C'est comme pour rêver constamment. C'est vraiment nice. C'est le fun, hein? Donc, ça coûte 50$ directement chez Google, évidemment américain. Est-ce que tu crois que le téléphone Google en vaut la peine? Et je ne suis tellement pas un fan d'Android que je ne pourrais pas te répondre, mais j'ai vu les critiques du Google Pixel et ça a l'air recommandable. Ouh, quand même. Ouais, quand même. Ensuite, une souris qui fonctionne sur n'importe quel bureau, dans les airs, ainsi que via commande vocale. Une souris que par commande vocale, oui. Donc, c'est la Gyration Air Mouse Voice. Oui, le mot voice est dans le nom. Ça fonctionne comme une souris de bureau traditionnelle. On peut l'utiliser aussi dans les airs pour faire des gestes, comme par exemple, je sais pas, du PowerPoint ou peu importe, pour les présentations. Et si c'était pas assez, l'Air Mouse Voice peut être contrôlé par commande vocale. Tu peux lui dire de zoomer, de chercher, d'ajuster le volume et plus encore. Ça fonctionne par Bluetooth LE 4.0. Ça fonctionne sur Windows et sur Mac pour... Wow, pour une souris aussi affreusement laide. Ouais, hein? On dirait une souris cheap que t'achèterais genre en bundle de 5 dans un magasin de grande surface. Tout à fait. Ça coûte 90,48$ sur Amazon US. C'est incroyable, 90$ pour ça. Mais bon, commande vocale et giration, pourquoi pas. C'est aussi disponible sur giration.com, G-Y-R-A-T-O-N. Ensuite, ça c'est un excellent jeu de mots. Je l'ai choisi principalement pour le jeu de mots. Tu connais Master Craftsman comme un bricoleur maître? Ouais. Ici, c'est le Master Craftsman. C'est dégueulasse. C'est du pot-pourri comme dans le pot-pourri, mais pour le caca. Ouais. Ça existait déjà. C'est un jeu de mots que je connaissais déjà. Le produit existe depuis toujours. Mais donc, pot-pourri, Master Craftsman Gift Set. C'est pour ceux qui veulent améliorer l'odeur de leur salle de bain avec des odeurs très masculines. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est fait en forme de boîte d'outils. Et à l'intérieur, t'as des push-push. Ben, c'est pas des push-push, c'est des bouteilles. Ouais, ben, je pense que c'est du spray quand même, mais dans une bouteille comme... ça ressemble à une bouteille de médicaments que tu peux pusher dedans comme un produit pour laver. Là, bon. Ouais, probablement. C'est pas comme un vrai gros push-push. Bref, c'est des bouteilles de 2 onces de rafraîchisseur d'air, qu'on appelle. Mm-hmm. Nommé Trap a Crap et Royal Flush. Wow! T'en as aussi un qui s'appelle Secret Santa. Et ça s'appelle du Before You Go Toilet Spray. C'est du spray que tu mets avant d'aller aux toilettes. Avant? Ouais. Ça aide, va immuniser l'air, genre. Ça absorbe. Eh hey boy. Poupourri. Master Crapsman. Ensuite, t'as toujours rêvé de frapper sur des mouches, mais de façon un petit peu plus violente qu'avec une tapette à mouche normale. Oui, ben oui, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est pas assez. Non. T'sais, mais tu veux pas aller jusqu'à l'extrême de genre t'acheter un gant de boxe puis puncher les mouches. Non, c'est comme un entre-deux. Donc, arme blanche, je dirais. Une épée que ça aussi tapette à mouche. OK, les deux sont joints. Ouais, ben en fait, c'est plus une tapette à mouche en plastique en forme d'épée. Oh, OK. Qu'une épée qu'une tapette à mouche au bout. C'est une tapette à mouche pour enfants, finalement. Genre. Sauf que t'as vraiment l'embout comme une épée là, que tu te mets dans la main et en plastique, ça passe par-dessus tes jointures et tout ça, comme une vraie épée. Et tu snap la mouche. Génial. Donc, ça coûte 13$ américains. Tout ce qu'il y a de plus simple comme gadget. Wow. Ensuite, c'est un siège pour les enfants qui va s'installer tout seul. Tu sais, quand vous avez un enfant, vous savez que les sièges pour enfants, il faut les changer d'âge en âge. Hein? Ouais. Tout ça. Il faut les paramétrer différemment, passer la ceinture à différents endroits. C'est quand même assez compliqué, là. Quand même. Tout ça. J'ai jamais eu d'enfant, mais oui, c'est j'ai vrai. Vu des gens en faire. C'est ça, exactement. Pas en faire des enfants. J'ai jamais vu de personne faire des enfants. J'espère. Mais les installer dans une auto. Bref, c'est un siège qui s'installe tout seul, donc vous allez pouvoir éviter tous les problèmes parce qu'il s'installe tout seul, se met à niveau tout seul et va continuellement ajuster la tension lui-même. Ouh! Ça s'appelle le 4 Moms Self-Installing Car Seat, encore un autre titre de produit réducteur aux femmes seulement. Tu sais comment je déteste ça, les enfants qui s'appellent 4 Moms, comme si les papas pouvaient pas s'occuper de leur enfant. Bref, mais bon, c'est le même, hein? 4 Moms, voilà. Et avant, tu me le demandes, 500$ US. Ah, oh, juste ça. Ouch. Maintenant, t'as beaucoup de fans sur Facebook. Ta page, pas ta page privée, ta page publique, mm-hmm. qui s'appelle Tania Baudin avec un Y à Tania, mais pas Baudin. Non, je sais. La page, elle s'appelle pas de même. Là. Ça, c'est moi qui le dis en définition. La page, c'est pas Tania Baudin avec un Y à Tania. Non, bref, c'est ça. Si tu veux pouvoir montrer aux gens le nombre de fans que t'as sur Facebook. Ouais. Ouais. Il te faut, t'es tellement, tu l'as dit, prétentieuse là-dedans. Ouais, c'est ça, exact. Il te faut le Flapit. OK. C'est comme une petite bestiole, une petite machine que tu mets sur ton bureau. Okay? Oui, j'ai déjà vu ça dans un commerce. C'est vraiment cool pour vrai, non seulement pour un commerce, mais pour n'importe qui. Je pense que ça pourrait être cool. Ceux qui sont vraiment prétentieux, mais pour un commerce, ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Exact. C'est non seulement les Facebook, c'est c'est les likes sur Facebook. En passant, c'est pas le nombre de personnes qui t'es ami. Mm-hmm. Les tweets et les likes sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Donc, Flapit, c'est connecté par Wi-Fi. C'est un compteur, pas un compteur de comptoir, on pourrait dire un compteur de comptoir physique qui affiche ça en temps réel. 11 réseaux sociaux, entre autres YouTube, Foursquare, TripAdvisor et plusieurs autres. Tu mets sur un bureau, sur une fenêtre ou sur le mur et tu montres à tout le monde comment t'es génial. On peut acheter ça, le Flapit, pour $379 US et c'est sur flapit.com. Voilà. Hmm. Pourquoi pas? Ensuite, le Hangover Patch. Pour ceux qui sont en lendemain de veille et qui cherchent une solution, maintenant... Je suis prêt à le recommander à plusieurs gens. Ok, oui. Chaque semaine! C'est pas une pilule. Non, parce que ce serait pas une pilule magique. Mais oui. C'est un patch. Ping! Clink! Sur le bras. Donc, vous allez pouvoir savourer les... en fait, c'est ça. Oui, exactement. OK. Donc, c'est pour... Je vais le lire comme... On va essayer de le comprendre ensemble, OK? Parce que ça s'appelle le Hangover Patch. Oui. C'est pour recevoir les effets de l'alcool sans les conséquences du lendemain. OK? Donc, c'est un patch qui vous donne des vitamines essentielles et qui va dramatiquement réduire les effets secondaires physiques de la boisson intense. Mais tu veux-tu que je te dise? Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la radio. OK. Ça peut. Mais j'ai un de mes amis qui est en voyage. Ouais. Ah, ça va être long, je pense. Non, mais il a snappé un de ses amis qui était dans un état plutôt déshabillé. Et le gars... Loyaux. ...a cette patch-là sur une fesse. Arrête donc! Ouais! Pour vrai? Ouais! Ben, c'est cool! Je sais pas si c'est cette patch-là ou si c'est une patch pour arrêter de fumer, mais j'ai vu cette patch sur une fesse d'un homme. Ou c'est un pansement parce qu'il y avait un gros bouton. Puis il l'a pas pris. Peut-être. Who knows? Je vais aller voir. C'est sur Amazon.com pour $35 pour un emballage de 10. Ça s'appelle The Ultimate Natural Hangover Defense. Ah, wow. Rien de moins. Ensuite, message en chocolat personnalisé. Ah, rendez-vous à la vie de votre être cher un petit peu plus sucré avec des messages personnalisés en chocolat. C'est un cadeau unique et délicieux qui vient dans une boîte élégante et contient un message personnalisé composé de lettres en chocolat délicieux. Donc, tu composes ta phrase sur leur site avant de commander. Mettons, je ne sais pas, je t'aime, mon amour. Et puis, tu vas recevoir les lettres appropriées. Oh, et tu vas pouvoir... cute. C'est comme, en plus, les lettres sont emballées chacun dans un petit papier comme les muffins. Oui. $23 US. Cool, hein? C'est très cool. Ensuite, on passe à autre chose complètement avec du lubrifiant pour, oui, faire des choses, là. Hein? Après avoir donné du chocolat. Hein? Ah, hein? C'est vraiment dégueulasse! C'est du lubrifiant en sang gothique. C'est fait pour avoir l'air le plus possible du sang. Pour satisfaire vos fantasmes vampiresques comme vous avez auparavant. C'est parce que là, wow, là! Wow. Avec un colorant rouge foncé qui produit donc une apparence réaliste et qui vient dans une petite fiole de vitre. Donc, c'est facile à transporter, bien sûr. Hein? C'est ouais. Parfait. $10 pour l'emballage. Ça me rappelle un petit peu, dans les magazines costumes, des fois, t'as des petites fioles de plastique ou de gélatine que tu mets dans la bouche pour saigner de la bouche. Ouais. Tu devrais mettre ça en lubrifiant aussi. Tu croques, puis tu... Ensuite... Tu vagues à d'autres occupations. C'est ça. Ensuite, tu vagues à d'autres occupations. Est-ce qu'on peut retenir ce titre-là pour l'épisode, s'il te plaît? D'accord. Ensuite, je ne le répéterai pas ce gag-là, mais il était parfait. Ensuite, c'est un outil pour les designers, pour les gens qui veulent noter les polices de caractère qu'ils retrouvent. Tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois d'outils pour trouver la couleur de quelque chose. Oui. Ça s'appelle, on scannait une pomme, ça donnait le rouge exact. Oui, bon. C'est vrai. Maintenant, vous pouvez faire la même chose pour les polices de caractère. Vraiment cool. Okay. Donc, c'est un outil pour les designers qui vous aide à trouver la police exacte en capturant la grandeur du texte, la couleur, la police de caractère, et ça va automatiquement transférer ça à votre ordinateur via Bluetooth. Ouh, c'est génial! C'est parfait, je trouve. C'est sur rca.ac.uk qu'on retrouve ça. Ça s'appelle le Fiona O'Leary. Voilà. Ensuite, on va terminer avec celui-là pour le premier bloc. C'est des citrons. Pas des citrons. Des citrons? Mm-hmm. Pourquoi j'ai dit citron? Je sais pas. Ça n'a rien à voir. Des sous-sons. Voilà. Les lettres étaient similaires, je me souviens, dans ma tête. Probablement. Bref, c'est de la voix. Donc, des sous-sons à saveur de pizza. Arc. Ouais, votre collation préférée, mélangée avec votre repas préféré, pourquoi pas, en un seul, avec un extérieur tout joli, en genre de petites vagues rouges et beige, si on veut, qui représentent, j'imagine, le sein, la cavalière savanée, on dirait. Plus que la pizza, plus que la sauce tomate et le fromage. C'est pas les bonnes couleurs du tout. Bref, 8$ pour un emballage de combien? 4, voilà. Jusqu'à à la pizza. Oui, pour 8 $ US, ensuite un emballage de 12 et un emballage de 36. Là, il faut vraiment être accro au suçon à la pizza. Je pense pas que ça se puisse. Ouais. C'est sur le site lollyfile.com. C'est un site pour les lollyphiles, les amateurs de suçon. L-O-L-L-Y-P-H-I-L. Ouais. Voilà, c'est tout pour ce premier bloc de ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Je m'en enfer. Comment est-ce que tu fais la liaison de ça? Je m'en enfer d'autres. Mathieu, je t'ai envoyé tantôt quelque chose par lien. OK. Tu fais à Facebook. Tu sais comment je suis jamais connecté sur Facebook. Je sais vraiment pas c'est quoi, là. Je l'ai pas écouté. On cherchait une chanson qui disait Shake That Bass. OK. J'en ai trouvé une. Oh, que ça risque d'être mauvais, ça. Oui, hein. OK, on va écouter ça. Est-ce que tu connais le nom de l'artiste? Aucunement, ça a l'air d'être japonais. C'est Amber avec Shake That Bass, featuring un nom en langue asiatique. Better get that brass ready. Huh. Here we go. Hey. Shake that brass. Sa bidi wa sa karopja. No one I yogi pada paku ba. Sigu eat it in me jumi den frying pan. The bass wants every moment taiko ba. So haggy, go paggy. Hung and pega shake modu kachi. Nuji koji boji mago hind it all. Get on the floor, shake that brass. 간지나는 라마, 너 모르는 거 drama. 하게 down down, baby. 순간부터 rockstar. 혼자 뭐하니? 딱 기다려. 혼자 불고 blow that horn. 참 쉬워요. 그냥 나를 따라 들썩여. 고상한 체면 땀이 퍼리고 나와 함께 shake that brass. Like da dum di dum dum dum like da dum di dum dum dum dum like da dum di dum dum dum dum just let it all go in shake that brass 잘했어요 역시 놀 줄 아시는군요 텐션을 좀 더 올리고 준비 완료 shake that brass. Shake that brass. Exact. Comme dans des cuivres. Il y a de jolis modèles dans ce vidéoclip. Autant garçons que filles, peu importe votre intérêt, ils sont tous dans cette vidéo de Amber, Shake That Brass, featuring quelque chose d'asiatique. C'est ça, exactement. On ne sait pas comment nommer ça. Au retour à une deuxième partie de Sexy, ça ne devrait pas. On l'a, et plus tard, Tania et Gabriel Béhoud. Oh oui. Wow, quelle émission. Dans la zone 89. C'est fou. Oui, mais... La personne qui vaut ça, oh, oh, oh, aujourd'hui. La personne qui vaut ça, oh, oh, oh, aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis en ce mercredi 30 novembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va se faire un minuscule deuxième bloc de Sexe, ça ne devrait pas là jusqu'à ce que Gabriel Béhoud nous fasse l'honneur de sa présence pour la chronique Dans les coulisses de la lutte. On va parler des plus récents matchs d'impro. Il y en a eu deux depuis la dernière fois qu'on s'est parlé et il va y en avoir deux d'ici la prochaine fois qu'on va se parler. Mm-hmm. On va faire une chronique assez chargée vers les 8h30 dans quelques instants. Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès francophone, Tania. Oui, on parle d'une nouvelle pièce qui se retrouve à la 19e position du palmarès. C'est Mordicus avec Ayla DJ. Ah, c'est mon truc, c'est fou! 89 FM. Et la DJ dans Assemblage Requis ce matin. C'est un featuring de Dumas, la voix de Dumas. Ah, pour vrai? Ouais, okay. Et d'habitude, les chansons avec DJ, ma chanson préférée, Turn That Shit Up, là, d'habitude, c'est les chansons les plus faciles, les plus clichés du monde. Tous les artistes de pop ont une chanson avec DJ Moncle Sam. Bien vrai. Mais celle-là était bonne. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. De retour maintenant à une deuxième partie de Ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas. Là, la chronique où on achète des gadgets sur Internet et qu'on le regrette la minute d'après, c'est bizarre parce que, ben, en fait, c'est pas bizarre. C'est rare qu'on a un trou aussi long pour faire des gadgets parce que Sébastien Evgarten n'est pas là ce matin et j'ai l'impression que je peux comme m'étendre et prendre tout le temps que je veux, un peu comme sur cette chaise. qui te donne l'impression d'être en suspension ou en apesanteur. Oh. C'est la Elysium Weightless Chair. Donc, c'est l'expérience de vivre dans l'espace sans avoir à y aller. Avec cette chaise qui est un design d'un médecin, un docteur en ingénierie, en bio-ingénierie, pardon, David Wickett. Donc, la chaise est supposée simuler les effets de la gravité zéro pour un confort inégalé pour le baba prix de 26 000 $ US. Rien de moins. Rien de moins. Chaise beige, tout ce qui est plus cheesy comme couleur. Là, c'est vraiment comme les meubles des années, je sais pas, là, 70, 60, 60, le genre de beige bizarre comme ça. Ouais, genre. Ouais. Mais en cuir, c'est quand même beau, le cuir. Et il y a des accoudoirs, je pense. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Et t'es comme couché un peu comme dans un hamac dans la chaise. C'était vraiment bizarre. Allez voir les photos. Et évidemment, tu flottes comme dans l'espace. La chaise n'est pas super... pas qu'elle n'est pas stable. Est-ce que tu as vu, Mathieu, laisse-moi te demander, je ne sais pas à quel prix est-ce que ça se vend, mais est-ce que tu as vu les hamacs... mais c'est pas grave, vas-y. Pas celle-là. Ah. Est-ce que tu as vu les hamacs que tu suspends à 3 arbres différents, mais ça devient ta tente? Oh, wow! C'est comme pas la sœur de ta mère ou la sœur de ton père, là, comme la tente dans laquelle tu peux dormir. Oui, à l'intérieur. Et c'est inspiré du village Ewok dans Star Wars. Wow! C'est malade. Je me souviens plus où j'ai trouvé ça. J'ai essayé de te le trouver. S'il te plaît. Et de trouver le prix, surtout. Génial. Et est-ce que vous savez qu'il y a un petit toutou de Ewok? Ah, ça serait cool, hein? Moi, les Ewoks, c'était mes préférés. Ouais. Et une petite statuette de Marcel Leboeuf comme Sapino. Oui. À cause des arbres. Rien de moins. Ouais. Bref, Full Sniffer, ensuite, tantôt, on a parlé d'un gadget pour vous déterminer votre police de caractère dans un journal ou sur une affiche, peu importe. Même principe, mais pour la nourriture et savoir si votre viande a fini par virer pour devenir périmée. Ça s'appelle le Food Sniffer. Ça arrive des fois que tu sors un steak du congélateur, du réfrigérateur, peu importe. Tu te le mets au nez pour voir s'il est toujours bon à cuire. Moi, j'ai peur de toutes ces affaires-là. Fait que, aussitôt que je pense que c'est proche d'être peut-être passé date, je le jette. Tu dois? Qui doit un con à qui? On sait pas. Bref. Ou encore de votre ton, peu importe. Et ben ici, avec le Food Sniffer, c'est un article, un genre de baguette connectée qu'on tient dans sa main. On connecte ça avec le téléphone cellulaire, bien sûr. On le met directement contre la viande et ça prend une mesure des gaz qui émanent de la viande. Et en quelques secondes, vous allez savoir si vous pouvez la manger ou pas. Génial! Oh, vous ne prendrez jamais de chance. Cool. Vous n'aurez jamais à vous poser la question. 89 $ US, ça vous rappelle. Ah, juste ça? C'est vraiment pas cher. J'en veux vraiment un, pour vrai. Je croyais vraiment que ça allait coûter beaucoup plus cher que ça. Ça, c'est un bon thermomètre pour savoir si c'est cuit. C'est pas vrai. Je fais jamais cuire de viande, on dirait, parce que j'ai comme en une fait, genre Mathieu, de phobie. Tu ne cuisines pas. Non, mais je cuisine pas parce que, pour vrai, c'est freak, là, mais j'ai pas envie de... Je veux pas... Ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Je suis paranoïaque de ça. De cuisiner? Non. Que la nourriture soit passée date. OK. J'ai une paranoïa. Donc, tu préfères aller manger chez Sodexo? Oui, cuisine leur soupe avec de l'eau de vaisselle. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Ouais, je sais bien. Ah, c'est l'ironie de la chose. Je suis comment t'appelles ça? Un contraire. C'est comment t'appelles ça un contraire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est quand tu dis un contraire ambulant. Mon vocabulaire était si bon jusque-là. Ouais, c'est ça. Là, j'essaie de faire. Trouvez votre chat qui manque à l'appel. Votre chat recherché. Vous avez perdu votre chat avec Tab Cat. Les chats sont indépendants, on sait qu'ils sont curieux aussi. Donc, des fois, les chats qui sortent à l'extérieur, ils vont revenir plusieurs heures plus tard avec quelque chose, une surprise, une souris, peu importe. Mais des fois, Colin, ça se peut qu'ils quittent la maison et finalement, ils se font prendre par quelqu'un ou tu finis par le perdre. Ça arrive. Ça arrive. Oui. Donc, Tab Cat, c'est un collier qui se met évidemment autour du cou à l'épreuve de l'eau, hein, et qui va nous dire si votre chat est sorti dehors et ensuite vous allez le trouver. Et à l'extérieur et à l'intérieur, s'il est à 400 pieds de son appareil RFID, donc qui va émaner des ondes, donc s'il s'éloigne. Donc, il faut qu'il reste à l'intérieur de 400 pieds pour que vous puissiez le retrouver, quand même. Mm-hmm. Ça va trouver les chats jusqu'à 2,5 cm de distance. Mettons, tu vas pouvoir dire, bon, ben, il est là. Ben, peut-être qu'il va être à 2,5 cm à gauche ou à droite, mais il va être dans ce périmètre-là, tu comprends? Même à travers les murs. Waouh! Et on peut aussi dire, on peut entraîner les chats pour qu'ils reviennent sur commande avec un petit son qui va sortir du collier. Donc tu peux entraîner ton chat pour savoir que ce son-là veut dire reviens à ton maître. Pas vrai? C'est cool, hein? C'est un peu bizarre. Tab Cat, c'est un ensemble qui contient donc des piles. Le collier est noir à l'épreuve de l'eau, comme je disais. Disponible en plusieurs couleurs, pardon. Et puis un appareil de tracking qu'on tient dans la main. Tab Cat peut fonctionner jusqu'à 4 chats. avec des tags disponibles additionnellement pour être achetés sur le site buytabcat.com. Le prix est de 100$ pour l'ensemble. C'est aussi disponible sur Amazon. Donc, c'est un joli petit collier. Votre chat peut aller jusqu'à 400 pieds de distance. Vous allez pouvoir le retrouver à 2,5 cm de distance. Fort. Vraiment très fort. Ensuite, le Smart Bottle Opener. Tantôt, on a parlé d'une bague pour ouvrir les bouteilles de vin. C'est super joli. Ici, c'est quand même joli aussi. Un peu plus boisé, si on veut. Mais c'est un ouvre bouteille intelligent. D'accord. Ça s'appelle le Launch Box Bottle Opener. Box comme dans B-O avec un X minuscule. Pour envoyer une alerte à vos amis aussitôt que vous ouvrez une bouteille. Ça fonctionne avec une pile 3A et l'ouvre-bouteille en acier inoxydable est intelligent parce qu'il est en paire avec votre application sur votre téléphone et ça envoie un cheers, un chin-chin à vos amis aussitôt que vous ouvrez une bouteille. Et vous allez pouvoir savoir aussi combien de bouteilles vous avez ouvert et ça va vous donner une alerte si vous avez ouvert plus de 3 bouteilles à l'intérieur d'une même heure. Wow! Lunchbox, $35 américains sur bottleopenerx.com. Finalement, tu peux suivre la buverie de tes amis grâce à l'application. Et voilà. Et le box, donc B-O-X, veut dire Bottle Opener X. Ah, évidemment. Étant donné le site web. Ouais. Quand même cool, mais c'est vraiment pour les gens qui boivent beaucoup, genre régulièrement, comme tout le temps. J'en aurais à suggérer. Non, je sais pas de quoi tu parles. Ensuite. Bon, toi non plus. Quelqu'un dans sa vie personnelle. Ensuite, une boucle de ceinture. Ouais. Qui va servir à sortir les dernières bouchées de pâte à dents. Ah, oh, ça, c'est merveilleux. Je pense que j'en veux un pour Noël. En plus, il est super beau, celui-là. Tu sais, quand on arrive à la fin d'un tube de pâte d'artifice, soit on va jeter les dernières portions, ou encore on va vraiment commencer à rouler le bord. Faisais-tu avec ta brosse à dents? Moi j'utilise l'option 3. Je prends ma brosse à dents et je pousse la pâte à dents sur le rebord du bouchon. Tu comprends? C'est intelligent, quand même. Moi, je fais le bon vieux truc, là. Le roulage? Ouais, ça, c'est la deuxième option. Et la première option, c'est juste de l'acheter. C'est ça. Ou encore d'acheter un nouveau tube et de mettre l'ancien tube dans ton petit tiroir, comme ça, quand t'auras plus... Tu le jettes pas encore! Non, je sais! Tu le gardes? Oui, au cas où t'en as besoin la prochaine fois. Tu le conserves, tu sais, juste pour avoir un petit... Un encas. C'est ça. Moi, je fais l'option 3 et 1. Toi, tu fais l'option 2 et 1. C'est ça. Cool! On se comprend. À la maison, allez voter sur la ligne 6-12, donc. Faites pas ça, il n'y a pas de message texte assez. Ensuite, donc, on disait Alessi Buckle. C'est donc le contraire totalement de cette façon-là. C'est une façon beaucoup plus pratique, sophistiquée même. Donc, ça ressemble vraiment énormément à une boucle de ceinture. C'est fait de Zamac, qui est un mélange entre du zinc, de l'aluminium, du magnésium et du cuivre. Ça peut être poussé sur le tube pour le vider à travers les jours et les semaines. Tu sais, quand on arrive à la fin d'un tube, que ce soit un tube ou peut-être de shampoing, peut-être de savon, quand t'arrives à la fin, t'es sûr que t'es à la fin. Là. C'est vrai. Tu vas tout en acheter un autre, puis là, t'en as comme encore pour comme 2-3 semaines avoir les deux ensemble sur ton comptoir. Voyons. Mais ça, c'est une affaire de fille, hein? On achète tout le temps une nouvelle bouteille de shampoing, même si on l'a pas fini. I must be a girl, and I like her. Bref, ça va être bon pour les derniers jours et semaines et mois qui vont rester à votre tube de pâte à dents. Voilà. Clairement. Pâte à dents ou pâte à Ève? Pâte à dents à Ève. Oh boy. Continuons avec une ceux qui aiment les petits avions en papier. Tu sais, les avions en papier qu'on faisait à l'école dans le temps, là, à la garderie. Ouais. Là. Ben maintenant, il y en a une encore plus intelligente, bien sûr. Tout est intelligent de nos jours. Hey, n'est-ce ça a-tu pas de... C'est pas d'allure. Donc, c'est un avion en papier contrôlé par votre iPhone. Le Riyami, mais là, hein? Si elle est contrôlée par l'iPhone, elle fait pas simplement aller dans le vent. Elle a un moteur. Non? Ouais, exactement. Ben là, quoi? Il y a où le trip de faire voler un avion dans le vent? Ça reste l'origami. Voyons, non? Donc, origami et technologie fusionnent pour cet avion contrôlé par iPhone. Contrairement au modèle de faible qualité que vous faisiez dans le temps, la version high-tech intègre la technologie Bluetooth pour s'assurer d'avoir le meilleur vol possible. $45. Donc, dans le fond, je sais pas s'il y a un moteur. Je sais pas, hein? C'est pas clair dans l'article. C'est sur Amazon.com. Il y a une hélice, c'est clair. C'est la première, donc, avion de papier, contrôlable à distance, 180 pieds de range, design résistant aux accidents crash. Le papier, il y a un template, tu peux toi-même, c'est toi-même qui plie ta feuille. Avec un câble micro USB pour recharger. Hélice et autres pièces. En tout cas, bref, allez voir sur Amazon, il y a toutes les informations qu'il vous faut. Et ça coûte $40 US. En stock en ce moment même. Ensuite, un ourson, tu sais, un ourson en plus, c'est jamais assez gros pour toi. Non, c'est vrai. Tu veux pouvoir câliner un ours comme si tu câlinerais un homme dodu. Oui, parce que, en fait, ouais, c'est ça. On n'ira pas plus loin, mais c'est ça. Okay. Il fait 11 pieds, cet ourson. C'est merveilleux! 11 pieds de grandeur! Énorme teddy bear avec un sourire très très jubilant, comme on dit dans l'article. Son extérieur est très très doux. Son intérieur, on sait pas, c'est à toi de me dire. ça va être donc idéal pour te coller dessus. 290$ US. Combien? 290$ US. Mon Dieu Seigneur! Oui, vous allez devoir il faire votre propre chose trou. Pour hein? Non, il fait rien. Il fait rien. Merci d'avoir caché mon gag déplacé. Ça merci. Fait plaisir. Écoutez la reprise pour connaître. T'as pas gag. Compris le mien non plus. Non, hey, cool. Est-ce qu'on a fait comme double gag ouais. Par-dessus lequel l'autre parlait pour le cacher? La technique, on vient de dépasser le maître. C'était très ouais. Ninja. C'était fou. Wow. Colin, on est fait pour être ensemble? En duo de radio? Exactement, en duo de radio à bien spécifié. Peut-être, oui, c'est ça. Parce que, bon, ouais. C'est ça. Parce que peut-être qu'on pourrait s'envoyer un petit cadeau de co-animateur. Pour une boîte par abonnement de Date Night. Tu sais, on parle souvent de boîte d'abonnement de, pour les chiens. Oh, j'en envoie une quand t'as une date, puis tu m'en envoies une quand j'ai une date. J'approuve. Malade. Donc, on a déjà parlé de café, d'alcool, peu importe. Là, c'est pour les Date Night. C'est pour une date parfaite à la maison, nous dit-on, avec votre ami de cœur. Mm-hmm. Chaque boîte vient avec 5 à 7 articles goodies, avec une activité interactive, donc un petit jeu à jouer kinky. Collation. Et tout ce qu'il vous faut pour une soirée romantique, genre une chandelle à la citrouille, des petits bonbons, des chocolats. Clairement, quand tu penses à la romance, tu penses à l'odeur des citrouilles, tu sais. Ça, c'est la boîte thématique d'Halloween, j'avoue. OK. Que parce que là, c'est vraiment tout est à citrouille là-dedans. Le café à citrouille, la chandelle ouais, à citrouille, hein? Les crayons qui sont à citrouille. Ouais. C'était peut-être un petit peu too much de citrouille. Les crayons avec lesquels vous pouvez écrire sur le corps de votre oui. Compagnon. Non, c'est pas vrai. Ben, j'imagine, en fait, non? Probablement. Peut-être sur le verre. Un petit verre, une moi, tasse. Je peux pas croire qu'il n'existe pas encore de boîte à thématique Fifty Shades of Grey, là, c'est sûr. Il y en a sûrement. C'est sûr. Je peux pas croire. Je pense que je vais chercher ça. Ouais. Ensuite, tiens, Tania, pour la personne dans ta vie qui boit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais on vise personne en particulier. Non, non, non. Ça s'appelle le Santa Hat Flask. OK. C'est une tuque de Père Noël? Un chapeau? Est-ce qu'on dit une tuque ou un chapeau? Parce qu'en tant que tel, c'est une tuque aussi. Un chapeau. Ouais. En tout cas. Je sais pas. Et au bout du truc avec la boule, là, oui. Il y a une flasque, bien sûr. OK, avec de oui. L'alcool dedans. Pour pouvoir boire n'importe quand, 10 onces de votre spiritueux des fêtes préféré ou votre vin préféré. La flasque cachée se détache de la pochette zippée pour un nettoyage facile. Et il y a un bouchon vraiment serré qui empêche les fuites. Et le chapeau lui-même vient en vert ou rouge et noir. Rouge, noir ou vert, oui. Et c'est parfait avec les mitaines flasques aussi qu'on a déjà parlé. Évidemment. Dont on a parlé. T'as trouvé, j'imagine, une boîte Fifty Shades of Grey? J'ai trouvé un abonnement de boîte pour jouets sexuels ouais. À thématique Fifty Shades of Grey. Bah ben, tu vois, ça me surprend pas du ça tout. Ça existe. Le contraire m'aurait surpris. Ouais, moi aussi, je pense. Ensuite, une télécommande, c'est cool. Mais deux, c'est mieux. Mais deux, c'est mieux. Wow. C'était facile. Ouais, ça aurait pu être un gag sexuel aussi, ça dépend si elle vibre ou quelque chose comme ça. Mais bon. Il y a juste toi qui penses comme ça, Mathieu, à genre 8h30 le matin. Tu sais, les petites télécommandes pour les sous-vêtements qui shake, là, qui shake oui. Le booty. Ouais, ça existe. Qui shake le booty. Bref, oui. Cette télécommande est une télécommande pour tout, mais je pense pas pour les sous-vêtements, par contre. Non, non, je crois. Non, c'est malheureusement, pas c'est pas dans la description de tâche. Non. Donc, les jours et les heures que vous avez passées dans votre vie à chercher la télécommande. Peu importe l'orifice dans lequel elle s'est incorporée. Donc, ce gadget a un écran LCD qui va s'adapter à l'appareil que vous pointez directement. Là, évidemment, on pointe pas l'appareil masculin. Non, en effet, il faudrait pas. Ouais. Dans la direction que vous voulez. Bref, vous allez pointer l'appareil, la télécommande de votre appareil préféré comme une télé, un haut-parleur, lumière, thermostat, peu importe. Et ça va s'accoupler hein, avec ça pour faire une télécommande pour tout. C'est sûr. C'est par la compagnie Seven Hugs. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a comme juste quatre boutons. T'as comme gauche-droite puis plus-moins. J'imagine que c'est des options de base. Probablement. Ou peut-être qu'après ça, tu te sors de ton téléphone pour faire le reste, je sais pas. 150$ US, je suis pas allé plus loin que l'article, donc allez voir si ça vous intéresse. Ensuite, des lunettes intelligentes de tous les jours qui ont l'air de lunettes normales. Mm-hmm. Tu sais, les lunettes, t'as sûrement vu les Google Glass, ça avait l'air vraiment très, très, très, pas geek, mais nerd. Ouais, en effet. C'était vraiment, vraiment déplaisant comme apparence. T'avais des lunettes genre vieux, old school, avec les broches métalliques, puis une vitre en avant de l'œil, puis c'était pas beau. Mm-hmm. Donc, maintenant, les Everyday Smart Glasses, c'est des lunettes discrètes et à la mode, un peu comme celles que je porte, les lunettes de hipster classiques, ouais. Le gros frame noir. Donc, ça va faciliter votre journée. C'est-à-dire qu'un microphone, ça surveille votre niveau d'activité comme un Fitbit ou peu importe. Vous pouvez faire des appels sans fil. Ben, sans fil, évidemment, mais sans les mains. Avec un haut-parleur à conduction par les eaux, conduction osseuse. Ça marche pas toujours super bien. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Mais le haut-parleur, dans le fond, passe dans votre crâne et les gens autour de vous n'entendent pas. Genre, c'est comme vous entendez par vos os. C'est freak, mais ça existe. C'est vraiment freak. Il y a tout plein d'autres choses. Faire des appels. Trouvez vos lunettes si vous les avez perdues. Contrôle par les mouvements. Écoutez la navigation de votre GPS. Ça vous dit l'heure. C'est chargeable sans fil. Jusqu'à 7 jours de durée de batterie. Il faut mettre vos propres lentilles de prescription ou vos lunettes de soleil à l'intérieur de cette monture-là. Tout ça pour seulement, et ça va vraiment être surprenant, seulement 180 $US. Pas cher pour une monture de lunettes intelligente. Non, c'est vrai. J'adore. Je peux dire, par exemple, que le gars dans la bande-annonce est vraiment plus joli sans lunettes. Ben là, peut-être que t'aimes pas tant les gars avec des lunettes. Non, les gars avec lunettes ne me dérangent aucunement. OK. Bon, ben, Colin, tant mieux, hein? Ouais. C'est ça, c'est mais tout. C'est quand même des belles lunettes, mais il a quand même pas, il a pas pris l'anti-reflet, clairement, dans ses prescriptions. Non, clairement. Parce qu'on ne voit que l'entourage et probablement la personne qui prend la photo. Voilà, ça va être tout pour cette chronique de Ça existe, mais ça ne répond là. Tous les liens sont sur assemblagerequis.com, sans aucune exception. Allez voir les notes de l'émission numéro 10-31. J'avais cliqué sur la photo du logo, puis ça a comme popé, puis c'est gossant. 10-31. Voilà. On prend une pause au retour. C'est Gabriel Béhoud. Et dans les coulisses de la lutte. Ouh! Oui, tiens. Gabriel? Oui, Gabriel, un autre galinette. Un autre galinette, t'as bien raison. Oui. Dans la zone 89. C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis en ce mercredi 30 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, Tania qui reçoit des snaps. Hey, oh, oh boy! Hey, snappez là, le snap est là. Non. T'as pas de... Tu donnes pas ton snap en public, hein? Non, exactement. Non? J'ai une petite... Non. T'as une petite... Ouais, une petite... Ouais. Restriction sur les gens que j'accepte sur mon snap. Okay. Mais Gabriel, elle snap des dents tous les matins, apparemment. Ouais. Ce n'est pas un euphémisme pour les prostituées du coin. Non, pas du tout. Il y avait des dents hier sur mon terrain. Donc, comme étant un bon touriste, je les ai toutes prises en photo. J'ai fait mon devoir de citoyen de prendre ça en photo. J'espère que tu as Facebooké la chose aussi. Non, je t'ai occupé à surveiller mon couch tout le long. Ton couch? Ben oui, vous avez pas entendu parler de la nouvelle récemment? Est-ce que t'es rendu acadien? Il y a une des madames qui avait fait détruire son couch par une dinde. Oui, mais là, ça fait comme quoi, un an et demi? Oui, mais ces animaux-là, justement, ils attendent qu'on s'en rappelle plus. Ils ont la mémoire longue, eux autres. Ils attaquent. Ils frapper. Je vais surveiller le couch tout le long. Laisse-moi te le dire. Bref, hey, c'est Gabriel Béhoud, accompagné featuring une dinde. Oui. Feed the dinde. C'est comme un pied de lapin. Feed the dinde. De quoi? Ding-dong. Ding-dong. Ding-dong. Ben, c'est un dindon, un ding-dong. Ouais. It's a ding-dong. It's a ding-dong. Voici ding-dong, les coulisses de la lutte. C'est un un peu triste, par exemple, parce qu'en anglais comme en français, ben, en fait, en français, on a la différence d'Inde et d'Indon. Ouais. En anglais, c'est la même chose. Ah, Turkey, peu importe. C'est Turkey puis Turkey. Mais j'avoue, ça a du sens. D'Indon, c'est quoi? C'est l'enfant de la dinde? J'aime mieux la version à Barbriel qui est Dindon. C'est l'enfant ou c'est le mari, l'époux? La dinde. Je sais pas, je pense que c'est la même chose, un dindon et une dinde. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Ouais. Ah, parce qu'on dirait que c'est plus petit, genre. Ouais, non. Une dindon. Moi, je trouve que ça sonne plus dodu un peu. Ouais. Rock and dindon. C'est vrai. Whoopi Goldberg. Oui. Bon. Donc, Gabriel qui est là, le capitaine de l'équipe des Rouges de la Huître. Eh, hey, bonjour. La Ligue universitaire d'improvisation Trois-Rivières. Oui, c'est exact. Là, je le dis rapidement comme ça, mais. Ah oui, vous aurez l'occasion de le réentendre. Plus lentement. Oui. Mettons. Est-ce qu'on commence avec notre reportage sur le terrain? Ben oui, pourquoi pas. Un reportage qui a été tourné lundi dernier au match des Bleus contre les Verts. Après ça, on reviendra au match de l'autre semaine d'avant s'il était. On en parlera tantôt. Oui. Pour l'instant, c'est lundi soir, le matin. Excellent. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir, le matin. La chronique sur l'impro universitaire. Je suis à l'entrée de la chasse-galerie de l'UQTR pour un match de la Huître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Ce match opposera les bleus aux verts et durera deux périodes. Alors, place au face-à-face et à une rencontre avec KEC, l'arbitre. Bon match. Face à face. Je suis avec la joueuse de l'équipe des Bleus, Alex PC. Alexandrie, comment ça va votre saison? À date, ça va super bien. On est une équipe dynamique, une équipe qui s'aime beaucoup, puis une équipe qui est toujours de bonne humeur d'exister. Parlant d'existence, quel est le but de... De l'existence? Oui. Je pense que le but de l'existence, c'est d'être heureux. C'est donc un but... Atteint pour les Bleus, si... Ben oui, depuis le début de la saison. J'aimerais ça que tu ne m'interrompes plus. OK. J'allais parler. Qu'est-ce que vous vous attendez de pour la fin de la saison? T'avais terminé? Oui. OK. Pour la fin de la saison, je pense que notre but, c'est définitivement de remporter la Coupe. Encore une fois, parce que les Bleus, c'est toujours l'équipe gagnante de la Coupe à chaque année. Fait que c'est comme ça, c'est la tradition, hein? Tu faudrait pas trop la... Bonne chance et bonne saison. Merci, Gabriel. OK. Face à face. Je suis avec le joueur de l'équipe des Verts, Joe Pick. Comment est-ce que t'aimes ta saison avec les Verts? Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai rencontré une gang de fous qui me rejoignaient, pas pire. Fait que c'est ça, j'ai le goût d'être fou avec eux autres, puis éventuellement de me faire enfermer, peut-être. Parlant d'enfermage, êtes-vous un fan de donjons et de jeux particuliers? Un très grand fan de Donjons & Dragons. D'ailleurs, mon personnage meurt toujours dans ces histoires-là. Je trouve pas ça vraiment le fun pour ça. Je pensais plutôt à d'autres sortes de donjons. Ah, ceux-là, je suis moins fan un peu. Ah, dommage. J'aurais pu... Et pour l'après-Noël, qu'entrevoyez-vous? Ben j'entrevois beaucoup de neige à Trois-Rivières, puis avoir la chance de continuer à jouer pour me garder au chaud avec mon équipe. Puis ben, si ça vous tente de participer avec nous autres, moi j'invite n'importe qui à venir se réchauffer avec les verres. Pas toi, par exemple. OK. Bon match alors. Merci. Je suis avec la détestable arbitre de la lutte. Et moi, je suis Spider-Man! Alors, là, il y a une équipe qui cabotine, madame l'arbitre. Parlant de cabotinage, comment sévissez-vous? J'essaie de sévir sur ce qui est vraiment essentiel ou ce qui est le plus évident dans l'impro. Par exemple, les retards de jeu ou les confusions, les trucs de base que le public peut voir ou des choses plus précises que moi je vois et que je trouve important de souligner. Certains trouvent que vous avez, en tant qu'arbitre, une prétention incroyable. Avez-vous au moins joué déjà une fois? Ça m'est arrivé. Mais en fait, quand j'étais jeune, je jouais à faire semblant. C'est là que j'ai tout appris. D'accord. Et puis, à quoi vous attendez-vous pour la deuxième moitié? De l'année? Oui. OK. Je pense que le jeu va devenir de mieux en mieux. Les équipes vont être placées, ils vont se connaître. Le jeu va être de plus en plus relevé et je serai de plus en plus sévère, par conséquent. Merci et bonne chance. Merci, toi aussi. Je suis avec l'étoile de l'arbitre. Ça a été un bon match? Ben, j'imagine que oui, si l'arbitre m'a donné son étoile. Alex, quels sont tes objectifs à long terme? Mes objectifs à long terme dans l'improvisation? C'est une chronique sur la lutte, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Donc... oui, sur l'impro. Eh bien, mes objectifs en impro... En fait, si j'ai choisi l'impro à premier abord, c'est que, si vous le savez pas, moi, je suis une comédienne, quand même assez connue dans la région, d'ailleurs. Et justement, l'impro, ça me permet d'améliorer mon jeu, de le rendre plus loin pour un jour remporter un Oscar. Alors, vraiment, mon objectif, c'est de remporter un Oscar. On vise Hollywood et vous êtes déjà une étoile. Félicitations. Bonne fin de saison. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on m'a jamais dit, Gabriel. Bye. Bye. On dirait que le monde est parfait, changé. Je me suis peut-être fait des idées. Je suis pas devenu celui que j'étais. Imaginez. Je me Mathieu, c'est des sons. C'est des sons. Donc, c'était le reportage lundi soir le matin. Et nous, en très bons animateurs de radio, on va devoir écouter la rediffusion parce qu'on a parlé tout le long. Oui. Mm-hmm. J'ai montré mes talents de Photoshop un peu du tout à Mathieu. Ben, on veut pas voler le punch, mais Donald Trump avec une tête différente sur le subreddit Photoshop Battles sur Reddit. Ouais, ça doit ressembler. Est-ce que Reddit est rendu à la mode au Québec là, après 6-7 ans? Ben, je sais pas. Moi, je sais que je le consulte quotidiennement. Good, moi aussi. Good. Moi, j'aime bien Reddit. Moi aussi. C'est bon. Je check sur 6-7 channels. Ouais, plein de théories du complot là-dessus. Plein de... Ouais, ça, je vois pas là-dessus. J'aime les gens aussi, les trucs de construction ratée. Là. Genre, oui. Quelqu'un construit ouais. Genre un spa sur son balcon au deuxième étage. Ça, c'est génial. C'est ouais. Génial. Mais j'en avais vu une. Avais-tu vu la conspiration qui disait que Jar Jar Binks était un maître site. Oui, j'ai vu. C'est fourette. Oui, ça a l'air vrai, mais en même temps, je pense pas que ce soit. Là. Non, mais il y avait un des arguments que je trouvais quand même impressionnant, c'est que à toutes les fois qu'on voit un Jedi qui fait un personnage qui fait une prouesse physique, ouais, ou des moves de karaté dans Star Wars, c'est souvent parce que c'est soit un Sith ou un Jedi, puisqu'ils ont des habiletés hors du commun. Ouais. Mais un des rares qui possède des habiletés particulières, qui fait ce genre de move-là, c'est Jar Jar Binks. Ben oui. Il semble jouir d'une chance inouïe. T'as pourtant raison. Les Jedi aussi. Ooh. Wow. Ooh. Ça change votre perspective de vue. Oui. De vie. Ben oui. Ouais. Fait que, comme ça, j'ai pas vu le match des Bleus contre les Verts de la même manière que les gens l'ont vu. Ben la transition incroyable. Ben, j'en reviens même pas. Des talents qui sont insoupçonnés. Tellement insoupçonnés que j'aurais prédit le contraire. T'étais pas prêt, là, Mathieu? Ben oui, j'étais prêt avec mes feuilles. Allons-y. Du match. Okay, allons-y. Donc, j'ai la feuille du match qui avait lieu le 28 novembre, donc lundi. Oui, oui. Dont on a parlé dans la chronique lundi soir le matin. Donc, match entre les Bleus et les Verts. Oui. Qui a eu quand même quelques pénalités. On va y aller par le début. Il y a eu une vidéo, oui, qu'on aime toujours. Oui, oui. Je trouve que c'est tout le temps le fun de commencer un match avec une vidéo, oui. Ça met tout le monde dans le bain. C'est une impro à quatre groupes de deux personnes, où chaque groupe représente une chaîne de télé. C'est ça. Dans le fond, c'est comme si on zappait qui mieux entre les postes. C'est pour ça que je suis tout le temps mêlé entre une zapping et une vidéo, parce que pour moi, une zapping, ça devrait être que une vidéo et une zapping, c'est autre chose. Ouais. En tout cas. Ensuite, il y a eu... Bon, je vais vous nommer des thèmes, là. Il y a eu chiffre de nuit, il y a eu élégance, vent de panique, joindre utile à désagréable. Oui, ça, c'est drôle, oui. Couronné de succès, conférence de presse. La conférence de presse, c'est toujours un des moments forts pour moi dans un match. Moi, j'adore ça. Je pense que c'est une de mes catégories préférées. Où une personne dans une équipe est sur la scène seule et l'autre équipe joue les journalistes. Les journalistes. Exactement. Toujours bien drôle. Préparation frénétique, l'improvisation littéraire qui était de retour encore. Oui. Comme à chaque semaine. Dans la brume, le spécial du chef à la manière 2. Qu'est-ce qui était la manière 2 cette semaine? Déjà, si tu t'en rappelles? C'était pas une... C'est une improvisation qui était spéciale à la fin. C'était, on commençait l'impro, par exemple, une minute en libre. Ensuite, on poursuivait la même improvisation avec une contrainte de l'arbitre. Donc, il y a eu à la manière d'un sitcom. Film d'action et d'un drame psychologique. Voilà. Pas dans cet ordre-là, là, mais il y a eu ces trois. Selon certains commentaires que j'ai eus, il y avait un petit peu de facilité dans certains sketchs où on répétait des situations qu'on connaît trop. Ouais, moi, les gens sont séparés. J'ai pas trouvé. Moi j'ai non pas plus. Trouvé. Moi non plus. Dans le public, là, j'ai pas particulièrement trouvé. J'ai trouvé ça très bien, j'ai ri. Moi aussi. Je trouve que, tu sais, c'est bien beau vouloir faire quelque chose d'original, mais c'est bon d'avoir des références que tout le monde connaît, comme des impros d'appartement, des fois. Oui, non, c'est ça. Bon, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. En même temps, c'est le point de vue, c'est que ce soit pas 100% d'appart. Là. Exactement. Ça pourrait devenir long un petit peu. Il y avait un sous-surveillance qui était cool. Oui. C'était le fun, ça. Et un vagabondage. Dans les pénalités, on a eu un cliché qui a été donné pour la première fois de la session à Xavier McCliche. Donc, on a enfin pu parler d'un mec cliché. Voilà, puis Mathieu, toi, tu devais jubiler quand t'entends ça. Je l'ai dit, le public a adoré ça aussi. Voilà. La foule était en liesse. En liesse. Ça veut dire quoi? Être en liesse? Ouais, liesse. T'as l'iOS, mettons, sur iPhone. T'as EOS comme les bons malèves. Ben, l'IS. En tout cas, décrochage à Célan. Évidemment, Célan, une fois par match, doit décrocher. Je crois que c'est dans son contrat à la Luitre. La liesse est une joie débordante et collective. Excuse-moi, j'ai pas écouté ta dernière phrase. Je me posais aussi la question. À peine, Être en liesse signifie être dans une joie débordante et collective. Ben, tu vois, ça représente très bien Célan qui a eu un décrochage parce qu'elle décroche à chaque match. Ben, Célan, moi, j'invite les gens là, à regarder avec un œil de lynx. Exactement, c'est ça. Vous remarquerez que Célan, elle se trouve beaucoup drôle. Oui, je sais, j'aime énormément. Ça d'elle. Énormément. J'aime ça d'elle. Moi, ça me fait rire, les gens qui se trouvent drôles. Oui. Ouais. Ben, ça paraît. Dans un match, c'est con, là, mais pour vrai, tu le dis, puis j'approuve. Des fois, je fixe sur Célan parce qu'elle a des réactions à tout dans le match. Ses yeux parlent. Oui. On s'entend là-dessus. Définitivement. Et un cabotinage pour Zwicky et Jonathan Picard. Alexandre Laramie Zwicky et Jonathan Picard. On va l'expliquer un petit peu. Il y avait une impro très, très touchante dans Sous-Surveillance. Il y avait un suicide à la fin. Oui, c'était comme un genre de gimmick de mafia, là, et puis de dettes de jeu et compagnie. Et à la fin, le gars, pour pas tirer son ami, qu'on se, le... se suicide lui-même. Tout ça. Pendant tout ce temps-là, t'as nos deux beaux os qui avaient préparé quand même le terrain. Ouais. Il avait déjà fait des vieilles dames qui étaient dans le parc qui nourrissaient des pigeons et compagnie. Mais il aurait fait pu abandonner gag avant de le faire. Et eux, ils ont terminé l'impro en faisant les pigeons, qui venaient complètement casser. Tu t'imagines, genre, le gars est en train de se suicider dans une scène super dramatique et t'as deux dindons qui viennent. Mais c'est, ouais, des dindons. Mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on peut voir de temps en temps à l'impro qui font bien rire, moi. C'est quand quelqu'un arrive sans dire un mot juste par ses actions, t'écoutes plus. Le restant du monde t'entend. Tu regardes juste lui, qu'est-ce qu'il fait, puis t'es là, what the fuck, ou tu trouves ça bien drôle, tu sais. Je pense qu'hier, il y avait un match Musée Borealis, oui. Ouais, joué par la Lime. Puis un moment donné, en tout cas pour l'anecdote, Jocelyn est rentré dans... C'est comme si la discussion se passait dans une salle de bain de bar. OK, Jocelyn Garneau. Hein. Ouais, Jocelyn Garneau est rentré dans la salle de bain. Il a commencé à se laver les mains, mais selon, tu sais, le guide, là, où il faut se frotter les ongles, les jointures, se laver les mains pendant une minute de temps. Mais il disait rien, il faisait juste se laver les mains. C'était tellement drôle. Il est parfait pour ça, Jocelyn, pour c'était vrai. C'était hilarant. Les gags visuels, Jocelyn, c'est sa force. En tout cas, moi ça m'a fait capoter ben raide. Je me rappelle même plus de quoi les deux joueurs discutaient à l'arrière, juste parce que j'étais là. Subjugué par... Puis c'était parfait, là, c'était comme sa petite manquante. C'est triste parce que j'ai vu Borealim à chaque année depuis plusieurs années. Hier, je l'ai manqué... par anecdote, encore une fois, pour aller au bingo d'ergothérapie avec Tania. Et c'était sold out. Oui. Fait que je suis resté pour rien. Fait que je croyais à Borel et moi. Ouais. Oh mon Dieu, vous êtes allé au... On voulait aller au bingo. T'as manqué les deux activités. Ben oui. Incroyable. On est retourné chez nous. Prenez-vous au bingo. Ouais, mais bingo, le fun. D'ergothérapie, c'est les ergothérapeutes, comment elles sont charmantes. Mathieu voulait cruiser, en fait. Ah. Tu me connais bien? Ouais, On va changer de sujet. Il me connaît plus, que tu penses? Mais j'ai pas cruisé, c'est pas ça que j'ai cruisé, Gabriel. Non. Donc, le match entre les Bleus et les Verts s'est terminé avec des pénalités qui ont changé les points de place. Oui. Mais ça donnait un score de 10 à 8 pour les Verts. Oui, exactement. Donc, encore un match serré. Cette année, si je remonte là, il y a 2 ou 3 ans, parfois on a assisté à des bonnes volées, là, des volées en règle. Je sens que tout le monde savait le score à la fin. Des 11-4, là, ouais. Des volées. Je pense qu'à chaque match, on avait un suspense dans la foule. Ah oui, ça a toujours été. Depuis le début de l'année, là, je pense qu'il n'y a pas un match qui a été gagné par plus que 3 points. C'est bien plus fun de même. Tu me corrigeras si c'est faux. Là. On dirait quasiment que les arbitres se sont parlé avant pour distribuer leurs points de façon. Non, c'est pas vrai. Ben non. On parlait du Reddit de complot tantôt, c'est ce qui me fait penser ça. Ben, d'ailleurs, je vais partir un subreddit là-dessus. Good! Sur la lutte. Impro complot. C'est arrangé. Voilà. Bref, donc les étoiles du match, tiens, parlons-en. On a eu... Ah, ils sont pas notés sur cette feuille-là, attends un peu. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, ici. Étoiles du match, des bleus. Ouais. Qui était donné à Xavier McLeish. Oui. Le mec cliché lui-même, recrue de cette année qui se démarque pas mal. Oui, définitivement. Et chez les Verts, c'était accordé à la toujours hilarante et visuellement intéressante dans ses émotions, c'est Céline Dodico. Oui. Ouais. L'étoile de l'arbitre. Alexandrine Pichessire, on l'a entendu dans le reportage. Oui. Donc. Elle Pichessire tout le temps. Voilà. On sait, tout le temps en train de pichessirer. Tout le temps. C'est ça qui arrive. 10 à 8 pour les Verts, comme on l'a dit. L'arbitre était Cathy F. Côté, qu'on aime beaucoup. Et c'était belle fun. Donc ça, c'était lundi soir. Ouais. L'autre semaine d'avant, je n'ai pas pu animer et mon collègue Frédéric Simon non plus. Vous étiez sur le cul. Absolument. Et en plus, non seulement, mais... Je dirais plus, Gabriel n'était pas présent à la chronique radio. Malheureusement non, je travaillais. Absolument, donc on va pouvoir faire un petit résumé minuscule de du match du 14 novembre entre les Rouges et les Verts. T'as joué, donc tu t'en rappelles? Oui. Qu'est-ce qui nous a marqué dans ce match-là? Mon Dieu... C'est loin, hein? Oui. On a eu une improvisation qui était début de la fin. OK. Qui est agréable à voir de temps en temps sur... Nous, évidemment, c'était peu après les élections. Mm-hmm. Donc, on avait construit le mur à l'entour des États-Unis. Ouais. Cool. Ouais, j'ai entendu parler de ça. C'était le premier match régulier de Marc-André Fortin. C'était aussi. Son deuxième. Deuxième. Le résumé de match est fautif. Je me base là-dessus. Match du 14 novembre, Rouge versus Vert. C'est la première fois de la saison que Marc-André Fortin joue un match régulier avec son équipe. Possible. Eh bien. On avait des bons thèmes, dit-on, catégorie pas trop compliquée, et de beaux défis fut lancés aux joueurs. Te parler du mur tantôt, performance particulièrement intéressante de Francis Dugré-Lampron. Je pense qu'on n'a pas la bonne date sur le site. Non, c'est ça qui arrive, parce que ça, c'était le match de Halloween. Oui, ça parlait de la caméra de surveillance. Non, ça marche pas pantoute. Ben, ou c'est complètement mélangé dans son texte. Peut-être. Attends, je pense que c'est peut-être moi qui étais mélangé. Ben, Mathieu, la semaine passée, on était le 21. On va aller dans les choses qu'on est sûr. La semaine prochaine, c'est rouge contre bleu. Ouais. Bref, je me suis récupéré, on était le 21. Bref, oui, la semaine prochaine, on a deux matchs. Ouais. Lundi. Rouge contre bleu. Rouge lundi, 20h, chasse-galerie gratuit. Oui. Et ensuite, jeudi. Oh, jeudi, on a un match spécial contre une équipe du Cégep. Donc, des jeunes qui trouvent ça tough, le Cégep. Attends, mec, que tu sois à l'université. c'est un genre de discours. En tout cas, bref. Ils parlent de même, au Cégep. Puis, oui, contre une équipe du Cégep, jeudi à 21h à la Chasse-Galerie. Notez l'heure, c'est un match présenté plus tard à 21h. Oui. Donc, soyez-y, jeudi et lundi à 21h. Oui, donc, pour le match de jeudi, il y aura une Honda Civic 2017 qui sera tirée parmi les spectateurs. Wow! On a une commandite. À l'avant-garde en 2017, c'est... Oui. Wow. Tu sais que tu peux te faire poursuivre pour des fausses promesses de même? Ah. Ah ouais? C'est faux. À la radio. Juste pour quoi? Mais de toute façon, comment. C'est vrai, Mathieu, ça? Je sais pas. Il est comme tout. On est dans un média, je pense qu'il y a des règles pour ça, ouais. En fait, techniquement, je vous renseigne sur quelque chose, comme d'habitude, que je n'ai pas vérifié à l'avance, mais j'ai entendu dire, et je suis pas mal sûr que c'est vrai, que à la. ça part bien. On dirait Trump. Trump a été élu comme ça, exact. j'ai entendu dire qu'il y avait 37% de chômage. Monsieur Trump, on a dit que c'est 5%. Oui, mais quelqu'un m'a dit. Ouais. Et c'est Hillary Clinton qui a parti l'État islamique. Aussi. Oui. Oui. Avec Obama. Bref, ouais, non, je la sais Chine que... pour le réchauffement. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sais que pas, les concours à la radio. T'es pas supposé pouvoir juste faire des concours à la radio. Il y a des règlements à suivre. Ben t'es oui. supposé avoir un document tout ça pour les concours. Tu peux pas juste faire un concours. Je sais pas ça. Ah. Tu peux pas non plus juste mettre une photo dans un journal comme le sur le campus. Faut que tu fasses signer des décharges. Nous, on ne suit pas les règles parce qu'on est universitaire. Hey, Mathieu, ce qui m'amène à te parler, t'as-tu déjà gagné un maudit concours sur Facebook de genre liker, partager, hey, j'ai déjà fait ça, moi. Non, j'ai gagné ça. J'ai gagné des produits de beauté. Ah ouais? Oui, wow. Puis une semaine après, je recevais le paquet cadeau. Rapide? Très rapide. Ah ouais, c'est bon, ça? Ouais. Non, mais j'étais abasourdi moi aussi parce que je pensais pas que tu pouvais vraiment gagner, mais c'était merveilleux. Eh ben. Même des repas, je veux dire, quelque chose, j'aurais pu gagner une poutine, quelque chose. Non, je gagne jamais cette affaire. T'as-tu l'application Marche ta poutine? Marche ta poutine. Ah, de Valentine? Ouais. Hey, je devrais tellement voir ça. Ben oui, t'es pas à pied, toi? Ben voyons donc, oui, en plus. Ben, t'as raison. Va te télécharger ça, Mathieu. Tu vas avoir genre des poutines gratuites. Ouais, c'est pas. C'est quoi? Faut expliquer, là. Faut marcher et tu gagnes des points. Ouais. C'est que dans le fond, c'est pour la distance que tu marches, ton cellulaire, si l'application est en fonction, donc avec ton GPS, je présume, il calcule la distance que tu dois marcher à peu près pour brûler une poutine en calories. Et puis lorsque tu l'as brûlé, t'en gagnes. C'est génial. Ouais, j'avais déjà eu en plus, je comprends pas comment ça je l'avais effacé, mais là, la revoilà sur mon iPhone. C'est ça, il y a un gars de la job qui se fait deux poutines qui se payent. Ben voyons. Ben qui se paye, qui ne se paye pas. En fait. Non, c'est ça. Ouais. T'arrives là, tu montes ton application, tu dis that's it. J'ai marché gratis. Deux poutines. Tu me donnes deux poutines? Hey, j'ai pas encore 35 ans, là, on va se le dire, mais je suis allé trop loin dans le slider, puis quand t'as 35 ans, ça met un dentier dans un pot. Ils sont pas fins! Valentine. Tu y arrives, Mathieu, tu y arrives! Et genre, la couche se transforme en cravate. Ça t'est-tu déjà arrivé, Mathieu, de trouver un vidéo sur Internet, puis que là, il te fasse bien rire pendant 2-3 jours, puis à un moment donné, t'arrives pour le remontrer à quelqu'un, puis il est disparu? Ouais, ça arrive. Bon, OK, c'est... Chez Valentine avait fait une série de pubs un moment donné qui s'appelait qui parlait des hot dogs ou de ce que vous aimez chez Valentine. Il y avait un gars franchement hilarant, il avait l'air simplet, disons, tu sais, c'était pas drôle parce que ça, mais non. Le gars il arrive à son cabaret, dedans il y a une poutine et deux hot dogs, puis il dit j'adore les frites, sont cuites à la perfection. Ouais. Le gars il trippe beaucoup trop sa poutine. Puis à la fin puis il dit fait que là, j'avais une poutine, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer un hot dog? Mais moi ça, en tout cas, ce dicton-là, pourquoi pas essayer un dog, je pense que je l'ai répété à peu près 500 000 fois. Pour me rendre compte qu'une semaine plus tard, Valentine avait retiré le vidéo. Pourquoi? Mais c'était le seul, toute la campagne de pub qu'ils ont retiré. Ben non. Je présume que c'était parce que le gars, il faisait rire de lui un petit peu ou quoi. Ben assumez-vous, tabarnouche. Le gars, il trippait beaucoup trop sa poutine, c'était incroyable. Ah ouais? Fait que ça a été une de mes très grandes déceptions. Ben j'imagine. Mais par contre, j'ai réussi quand même à trouver sur YouTube une vieille publicité québécoise de Valentine. Valentine s'amène avec un menu qui sera accompli du plus gros appétit. 1993, le gars gonfle comme une balloune, pis y'a des frites qui apparaissent bien le cœur. C'est pas le gars de RDS, là, qui. C'est pas, comme peu. Hein? Le gars de RDS, là, il était au réseau des sports, il devait peser à peu près 700 livres. Okay. Il faisait des pubs de Valentine. J'ai une pub de RDS, Valentine. Ah, mon Dieu, il est pas décédé, lui. À la nouvelle formule Valentine à 4,29 $. Et Valentine pourrait vous emmener à Manicourt pour assister au Grand Prix de France. Ça peut être un voyage en avion. En tout cas, tout ça pour dire que malheureusement, le gars est mort d'une crise cardiaque. Ouais, c'est pas drôle, ça. Mais. Ah! Mais ouais, c'est comme une accumulation. C'est pas Paul Buisson? Ouais, de ça. Paul Buisson? Ouais. Ouais. Participez, vous n'avez qu'à. Je cherche. Paul Donc, Buisson. Une illustration libre sur licence. Ouais, non, y a pas. Voilà. En tout cas. Fait bref. Que là, Mathieu, lundi soir prochain à 20h, c'est à la Chasse Galerie que ça se passe. Ouais. Et jeudi aussi, mais à 21h. Ça coûte combien, ça, ces événements-là? Ça coûte 0$ et 0 $. Zero. Not américain, bien sûr. Ouais, ouais, évidemment. Ouais. Franchement, tout le temps. Tout le temps américain. C'est ça. Hey, dans les hot dogs chez Valentine, hein, quand tu mords All Dress, hein, c'est pas le vrai All Dress? Non, je sais, il met du ketchup, hey, les enfoirés. Faut que je dise All Dress, le vrai All Dress, là, la fille fait comme. Fait que c'est tu quoi, veux, tu veux dire? Tu veux du de mayonnaise aussi? Ouais, le vrai All Dress, comme dans tu mets tout dedans? Allô? Non, toi, tu prends All Dress comme tu mets tout dedans. Je c'est pas ça, Mathieu. Le All Dress, c'est All Dress, All Dress. C'est all. Toi. Le mot est All. C'est toi qui es un extraterrestre. Comment ça? All Dress, c'est. Relish, moutarde, oignon, chou. C'est ça, non, adresse. Non, oui, non, non. Oui. Il faut du ketchup dans un hot dog. T'es débile mental. La mayonnaise, allô. Aïe, aïe. Ben là, je suis pas tout seul à penser qu'un adresse. Non, Mathieu, je pensais que j'avais du plaisir à venir ici de faire ce chronique-là. Tout d'un coup, tu viens de le saper tout au complet. C'est comme si tu me disais, genre, que tout garni, une pizza toute garnie, ça voudrait dire pas de pepperoni. Ben non, ça n'a pas rapport. Tout garni, il y a tout dedans. Ta comparaison, un hot dog, pas de ketchup, ou une pizza, okay, pas de pepperoni. Pas de sauce. Mais pas non, mais ton hot dog, il n'y aurait pas de saucisse. Tu comprends? Je vois la viande, je comprends, ouais. Mais Mathieu, moi, je suis pas d'accord. Anyway, All Dress, c'est parfait comme c'est là. C'est une recette à laquelle on ne devrait jamais toucher. Et Valentine est, comment dire, une tradition québécoise. Oui. Hein? Bien, fier de chez nous. Oui. Avec un bon Pepsi. Mmh. Non, non, non, non. Ici, c'est Pepsi, tu comprends? Et Caroline, que j'ai envie d'aller là ce soir. Et bâton. Il y a ça. Oui, ça serait bon, hein? Bon, Valentine. Hey, combien qu'il paye de pub assez fou, Valentine? 0$. Fait que moi, si j'étais vous, j'aurais pas parlé. C'est moi le prix que la l'huître. Ouais, c'est le soir 20h et jeudi 21h. Ouais, il vous paye pas vous. Peut-être qu'il me paye moins. Oh! Oh. J'ai pas payé une poutine depuis 1983. Je m'arrange tout le temps à faire de la pub. Ouais, ouais, ouais. Merci, Gabriel. Le truc, là, la meilleure pub, je pense qu'une compagnie pourrait faire, c'est comme Valentine. Je m'en vais après ça. Payer des gens, ou en tout cas, payer la poutine à quelqu'un pour qu'il arrive, genre, dans sa salle, dans son cours, avec une poutine. Ouais. Ou, genre, dans sa salle de pause à job, avec une poutine. Sûr, c'est là? Sûr. T'es sûr qu'il y a plein de monde qui va aller s'en pogner une juste après. Ouais. C'est sûr que ça sent trop bon, de la poutine. Au Rivière, il y a ça, hein? À Valentine. Mais oui. Le centre commercial des Rivières qui, lui aussi, ne paie pas la publicité, c'est fou. Mais où on trouve de tout! Oui! Et, Y a-t-il un slogan, les Rivières? Ouais. Les Rivières, venez naviguer. Quelque chose genre. Ah! Oh boy! Ah, j'ai vu une publicité hier des Rivières, genre, des années 90. Attends un peu. As-tu vu ça du motel Coconut? Faut pas y réussir. Ouf. Ah, attends, je l'ai. C'est comme vrai. Je suis les Rivières. Oui, comme je suis les Rivières. Écoute, c'est ça leur slogan. La pub de. C'était cœur, hein, cette pub-là. On voit des femmes et des hommes habillés des années 80. C'est trailer. Ouais. Et toujours la fontaine des Rivières. Oui, oui, oui, parce qu'il y avait une fontaine dans le temps. Là, ouais, tous les centres commerciaux avaient une fontaine dans le temps. Et il y avait un cinéma aussi au centre des Rivières. Ah, ouais, c'est complètement psychédélique, une pub. C'est génial, mais t'as tous les. T'as encore oh des my god, qui sont on encore dirait là, mon père, je vais demander si je suis dans. T'as le château, t'as les magasins qui sont encore là. Courant de la mode au centre commercial Les Rivières. Et tu vois qu'il n'y a pas des annonceurs très suivez très le courant de la les... mode. Mais c'était quasiment la même affaire que ton slogan. Comme je suis. Naviguer les rivières. Naviguer les rivières, c'est bien plus hot que comme je suis. Ouais. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ça. Bref. Hey, merci Gabéa encore. Hey, ça fait plaisir. À la semaine prochaine, mercredi à 8h30. Bye! Bye bye! Suivez le courant de la mode au centre commercial Les Rivières. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1 89.1 Vous êtes assez fou. Toujours à Assemblage Requiem ce mercredi 30 novembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va parler de l'exposition bénéfice qui a lieu à la galerie R3 à partir du 1er décembre, donc demain jusqu'au 9. On en parle avec Andréane dans quelques minutes, mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone, Elephant Stone. Voici See the Light. Ah, c'est fou, 89 ans. Sur Assemblage Requiem. Elephant Stone. La pièce See the Light à Assemblage Requis. Maintenant, on reçoit Andréanne Cartier de nouveau, en fait. On l'a déjà reçu il y a quelques semaines de ça. Vous avez peut-être remarqué une même voix qu'il y a oui, quelques temps. Oui, c'est moi. C'est toi? Ah non, elle se rappelle pas la dernière fois qu'elle est venue, mais c'est vrai quand même. Mais oui. Tu étais venue parler d'art visuel avec nous la dernière fois. Et c'est encore la même chose qu'on fait parce que tu es une fille d'art visuel. Oui. Tu étudies en art. Oui. Tu fais de l'art. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme art? Moi, je fais des installations, mais je me tiens plus dans un corpus de commissariat. J'aime mieux organiser que produire ma propre production personnelle. Donc, on pourrait quasiment dire que c'est toi qui organise l'exposition bénéfice qui va avoir lieu à partir de demain. Exactement! Hey! À partenariat avec le PICOM de la Galerie 3. PICOM, yo! Oui! Donc, ça se passe du 1er au 9 décembre, l'exposition Utopie Dystopie. Oui. Qui s'en vient avec une quarantaine d'œuvres. Quel genre d'œuvres vont être exposées là? Ben, en fait, on a marché avec un appel à dossier pour les étudiants actuels de le département. Il y en a aussi une gamme d'artistes qui étaient sélectionnés par le PICOM et qui sont en fait des anciens étudiants, puis aussi des chargés de cours actuels de l'université. Donc, il y a une belle éventail d'œuvres en ce moment dans la galerie qui vous attend demain. Et moi, je veux savoir, le titre de l'exposition vient d'où? En fait, c'est Philippe Boissonnet qui est en fait le directeur de l'URAV qui a décidé ce titre-là. Qui c'est pas l'URAV. L'URAV, c'est l'unité de recherche en art visuel de la Galerie 3A, qui est un collectif de professeurs en ce moment. Okay. Cool. Ouais, c'est vrai qu'il y a des expos dynamiques dans la galerie. Puis c'est ça, il a choisi ça en parallèle avec une biennale qu'il y avait eu de sculpture cet été. Nice. Donc il va y avoir peinture, gravure, sculpture, dessin. On va retrouver pas mal de tout là-dedans. Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu pourrais nous dire qui vaut la peine d'être vu? Moi, je sais tout ce qu'il y a là, mais il y a particulièrement une gravure de Donald Trump. Oh! Wow! J'ai-tu vendu un punch? Non, c'est pas vrai. Non, mais... vous allez remplir la galerie, c'est ça. Ça. Faut attirer le monde avec des gravures en plus. Mais il y en a plein, c'est parce qu'en fait, elle est cocasse et ludique, donc j'en parle. OK. Et le but de ça, c'est d'acheter, parce que c'est une activité de financement. Oui, absolument. En fait, c'est ça que je vous disais, les étudiants qui ont choisi au PICOM les œuvres, eux, le financement va aller à l'amélioration de l'éclairage de la galerie. Ah, okay. Puis nous, les étudiants qu'on a choisi actuels vont servir à ramasser une bourse pour les étudiants. Ah, c'est cool. Ah, c'est bon, c'est vraiment ça, on aime ça. Comment sont décidés les prix? Par les artistes eux-mêmes? Oui, exactement. Puis ensuite, on a encouragé les artistes avec un certain pourcentage qui avaient à cocher, savoir qu'est-ce qu'ils voulaient donner pour soit la bourse ou les étudiants qui sont... qui sont plus dans l'université, genre comment ils voulaient donner pour l'éclairage et tout ça, okay. Pour avoir une belle galerie. Et si, mettons, on est étudiant ou même membre de la communauté et qu'on veut se procurer quelque chose, les prix varient dans quels alentours? 70 à 600 $, il y en a de tous les goûts. Mettons la sculpture de Donald Trump, c'est pas une sculpture, c'est une gravure. Excuse-moi, ça pourrait être cher. Non, en fait, c'est non. Ça. Non? Oh, c'est il vaut pas ça. Cher. En fait, c'est que la gravure, c'est quelque chose qui vaut cher, mais vu que c'est multipliable, c'est toujours considéré dans le prix d'achat. Bon, là, tu sors plein de mots, le multipliable. Oui. En fait, une gravure, c'est quelque chose, c'est un procédé d'impression, donc on peut tirer plusieurs impressions. Ah. L'artiste s'engage à en sortir que tant, puis ça va jouer sur le prix. Ah, oui. Fait que lui, il a sorti un certain nombre que je n'ai pas avec moi, donc ça va influencer sur le prix. Contrairement à une peinture, par exemple. Oui, parce que la peinture est unique. Il y a des duplicata qui peuvent être faites numériquement, mais la gravure, c'est vraiment un procédé. C'est pas archaïque parce que c'est encore super actuel comme proposition, mais c'est vraiment physiquement l'impression d'un encre avec une estompe. Tu l'as dit tantôt que c'était choisi les œuvres par un comité de sélection par rapport au titre Utopie Dystopie. Exactement. Donc j'imagine qu'on a choisi des œuvres qui ont rapport avec ce sujet-là. Si c'était à l'extérieur de ça, on les choisissait pas. Exactement. Sauf que, tu sais, l'utopie, ça peut rentrer dans pas mal de choses. Il y a tant l'utopie verte qui est une utopie genre d'environnement, il y a l'utopie politique, l'utopie sociale, il y a l'utopie. Ça englobe pas mal. Fait qu'on a balayé large, en fait. Il y a plein de gens qui ont soumis que... Vous allez voir, il y a un éventail de malades. Là. Ça va de n'importe quoi à n'importe quoi. Il y a une bouteille de jus Fruitopia tellement que l'utopie va loin. Non, mais c'est que ça rejoint un langage personnel que les personnes ont soumis des œuvres qui, eux, s'apparentaient à l'utopie. Mais nous autres, en lisant les textes en s'approchant des œuvres, on a considéré que c'était valable. Ouais. Puis... ouais, excuse-moi Mathieu, mais les gens vont être, il y a certains des artistes qui vont être sur place aussi si par exemple on veut discuter de l'art en tant que tel, du produit final avec les artistes, ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Oui, absolument, mais en fait, la majorité des étudiants vont être là, à savoir si des anciens étudiants vont être là, si on va le voir, mais pour vrai, c'est comme notre gros party annuel. Là. Tout le monde va être là. Okay. On veut parler de ce qu'on fait, on veut être là, fait que s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, il va se sentir cheap. Ils vont être là pour le 1er décembre, qui est le vernissage, c'est bien exactement. Ça? Exactement. Sur une formule 5 à 7, par contre, j'invite les gens qui sont intéressés, il y a une conférence à 4 heures de M. Eric Lorne et de Culture Mauricie et André-Louis Paré de Revue Espace d'Or, qui vont venir parler de leur mission au sein de la région. Puis après ça, il va y avoir le vernissage festif de 5 à 7. On commence cool. par le sérieux, après ça, bam, le vin, hein, c'est ça? Le vin, puis on va avoir une gratuité. Le temps d'une pinte nous fournit gratuitement la bière. Ben non! Je t'ai dit! À 17h! Ça va être malade! Wow! Ça va être super cool. Donc, projection de création vidéo aussi qui vont animer les vitrines de la galerie après le vernissage, nous dit-on. Est-ce que ça va être jusqu'au 9 décembre? Exactement. En fait, parce que c'est un peu dans le champ, là, si on veut, la galerie. Ouais. Mais il y a une très grande vitrine, donc on va proposer à travers la vitrine pour comme promouvoir, attirer l'attention vers le lieu. Très bonne idée. Fait que c'est on close la soirée à 7h avec ça, puis on dit à tout le monde de s'en aller. Mais en fait, on dit au monde de venir justement avec les vitrines. Puis c'est toutes des productions originales des étudiants multimédia. OK. Ouais, on est hâte. Wow, il y a beaucoup de choses en même temps. On est très complet. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui savent pas encore où est la galerie R3, c'est un petit peu difficile à manquer parce que vous l'avez fait, contrairement à l'ancienne galerie où c'était juste une boîte avec des murs blancs. Oui. Là, maintenant, c'est une boîte avec des murs blancs et plein de couleurs. C'est ça, c'est dynamique. C'est oui. ça. Puis il y a même un nom dessus maintenant. Un nom? Ben oui. Comment dit-il? Non, c'est, on a marqué son nom sur la galerie. OK, galerie. Tu questionnes plus, tu fais qu'est-ce que c'est ça? Puis il est écrit, c'est quoi, galerie R3? Une réponse à tes questions instantanées. Avec une lumière en arrière. Wow, comme une vraie galerie d'art. Comme une vraie. Incroyable. Écoute, on est vrai, là, wow! Ben, mais tu l'as dit, c'est pour payer, entre autres, de meilleurs éclairages. Oui, exactement. Là, vous avez un éclairage qui mène vers le nom de la galerie, mais en dedans, c'est noir complètement, fait que vous voyez rien. Alors, je vous invite tout le monde à amener leur lampe de poche pour découvrir l'ensemble des œuvres. Merci. Mais on veut que ce soit plus éclairé, j'imagine, plus vivant, plus lumière LED avec les couleurs modifiées. Ben, on se dirige, je veux pas, avec les propositions actuelles en 2016 vers du multimédia. On aimerait avoir plus de projecteurs, plus pour accommoder plus d'artistes en multimédia. Okay. On est un département qui propose art et multimédia, donc on veut à s'assurer d'avoir le matériel disponible pour les étudiants. Là. Absolument. Donc, c'est présenté tout ça, tu l'as dit, par Le Temps d'une pinte, par Espace Art Actuel, Pratique et Perspective. C'est un magazine. C'est exactement. Et par Culture Mauricie. Oui, qui est un regroupement. Voilà. Oui. De la Mauricie. Oui! Sur la culture. Oui! Voilà. Donc, 16 à 17h demain, le 1er décembre. Oui. Donc, 16h, la conférence, l'entretien, si on veut, avec Éric Lard et André-Louis Paris. Et ensuite, à 17h jusqu'à 19h, le vernissage festif. Et après ça, ça continue jusqu'au 9 décembre. Exactement. Avec les projections et tout. Yes! N'importe qui est invité au vernissage. N'importe qui. Tout le monde. Même à ta boy. Toi, même moi. J'aime tout ça, le monde on adore en plus. Ça. Génial. Tous ceux qui ont un titillement pour l'art. Je vous accueille avec un grand respect. Excellent. On aime ça. Un grand respect. J'ai entendu un grand respect. C'est en riant. C'est pas gênant, un vernissage. Faut que tout le monde vienne, là. Ben, c'est oui. ça. C'est ça. C'est ça qu'on aime. Voyons. C'est le fun. Il y a de la bière pour les gêner. Ouais. Vous allez croiser une de nos chroniqueuses, c'est sûr. Marie-Christine va être là. Ben oui, Perra va être là pour le Zone Campus et pour en parler, j'imagine, à l'Assemblage Requis. Donc, j'espère tout le monde va être là. Party. Demain, 16h, puis 17h. Merci, Andréane Cartier. De rien. Page Facebook de l'événement, en passant. Je l'avais vu tantôt. C'était quoi? C'était pas une page Facebook, elle se m'a envoyé, c'est une photo. Voilà. Galerie d'art R3 sur Facebook, c'est ça? Oui, exactement. Génial. Je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité. C'est Galerie R3? Oui. Good. Merci. Merci, André. De rien. Bonne journée. Bonne journée. On écoute une chanson de Toffees. Oui. Parce que c'est sucré, puis avec le vin, puis avec les œuvres d'art qui vont nous titiller les yeux. Me parles-tu de Go Down in Style? Ben, Colin, Toffees Go Down in Style, là. Comme là, là. Assemblage requis. Sur Cifou 89 FM. Miam! Baby, stand up, it's no time to buy. You wanna show these balls, y'all, man. Now you gotta hit them between the eyes, cause in this game there's no place for second prize. Oh baby, I know you got the will, but you got the heart to make the kill. In this world there's no selling out, it's just giving the people what they want, yeah. I need you to tell me this is the Down in style. Toffees sur Assemblage Requis. Ah oui, on a fait la même erreur hier. Oui, c'est petite, vrai. Une petite feinte à la fin de la chanson. Fin, là, comme il nous... Mmh. Donc, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Oui. Merci d'avoir été à l'écoute. On ne remercie pas Sébastien Vigartin qui va de retour la semaine prochaine. Oui, il était pas tout là à ce fait. Matin. On remercie pour vrai Gabriel Béo de la coulisse. Coudonc, je déparle donc bien à la fin de l'émission. Le reste de l'émission était parfait. C'est pas grave. Je m'écroule. Dans les coulisses de la Luitre à 8h30, on remercie Andréane Cartier qui a fait un petit segment sur les arts visuels il y a quelques instants. Demain jeudi à 8h, on a la chronique de la GEQTR avec Alex Marchand. À 8h30, on va recevoir Judith Tétier du journal Zone Campus et de la Luitre aussi pour parler du Noël du pauvre. Oui. C'est demain à 8h30. C'est demain. Aussi, après, à 8h45 environ, ça va être pour le reste de l'émission une grosse pointe en dresse. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Soyez-y. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est mercredi à 10h, Compte à rebours, émission de compte traditionnel. À midi, Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 13h, c'est Répond avec une chanson, l'émission de Belle Emmanuel. Oui. À 15h, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. 17h, Audiomatique. 19h, Lob Trotter. 20h, Radio Sonic. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À demain, 6h30. Oh oui, bon café, tout le monde. Oui. Bye. Et on se quitte avec Tania Tagak avec Centre featuring Shad. Entering the entrance of rebirth. Remember to remember us to enter in reverse to the center of the center of the center of the dot and disperse. Rubber like circles that abound from a dot, from a drop to the circles that surround it. In the water make waves and we drown it. Waves of sound that we bathe in and wash up on this ground and round it. We all stand on, but we all stand for the process that we hang on. Hang on, hang on, hang on like dot, dot, dot. It's like a rock dropped in the water submerged, but first reverberates like words that make circle shapes. Circles like records that revolve with grooves that rest and unrest and then resolve when they drop. Little dots like drops of sand from a clock spanning across the canyon, across plots of land like clocks. All we got's is hands to bang together these plots and plans and pots and pans and drop some slang from the dot, dot, dot, dot, back to the top.